Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 23. Je procède au rappel traditionnel, vous pouvez nous contacter sur notre adresse email, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com, je répète, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Vous pouvez télécharger notre PDF hebdomadaire qui reprend tous les articles publiés dans la semaine sur notre site. Cette semaine, il y a eu un problème technique, donc il n'a pas été publié à l'heure, on va dire au moment habituel. Donc ça sera rattrapé ce jour même sur le site. Ce jour même, oui, enfin, au moment où on enregistre, donc c'est dimanche. J'espère que nos lecteurs ne nous en voudront pas. Donc, comme vous le savez, je vous invite à le télécharger et à le partager entre vous. Alors, vous savez aussi qu'on appelle nos auditeurs et nos lecteurs à faire, à nous soutenir financièrement. Quand ils le font, on cite bien sûr ceux qui nous le précisent par email. N'hésitez pas à nous le dire hein, si vous nous soutenez. Premier don, c'est William qui nous dit, comme promis, en don mensuel. Deuxième versement, donc d'un montant de 10 euros effectué. Bonne continuation toute l'équipe. Merci à toi, William. Un second don, cher démocrate participatif. C'est avec enthousiasme que je vous fais humblement don de ce précieux monero afin d'encourager le travail de toute l'équipe, mais également le travail laborieux et qualitatif de notre honorable Captain Harlock, que l'on ne remercie jamais assez. Longue vie à notre Sturmer. Salutations participatives à tous. Un Arien sûr de lui et même dominateur. C'est R qui nous écrit. Don numéro 3, bonjour à toute l'équipe, je viens de vous envoyer l'équivalent de 25 euros au titre du mois de juin. Salutations, c'est Jean, merci à toi Jean. Don numéro 4, je voulais vous féliciter et vous remercier pour votre site qui est un véritable bol d'oxygène que je consulte tous les jours et je lis quasiment tous les articles. Je vous signale que j'ai fait un petit versement par Ethereum de 30 euros. J'espère que vous l'avez bien reçu, j'essaierai de le renouveler tous les mois, normalement oui, cher ami. Alors là j'ai pas le nom, ça a été donné comme ça, donc il se reconnaîtra je pense notre démocrate participatif. Pardon. Donc voilà pour les dons, je vais présenter nos participants de cette semaine. Alors, sans transition aucune, je vais commencer avec Pierrot qui nous fait le plaisir d'être avec nous, salut Pierrot. Ouais, salut Gandalf, salut tout le monde. MacDav est avec nous aussi, salut MacDav. Salut Gandalf, salut à tous. Astérix nous fait le plaisir d'être présent cette semaine, salut Asté. Salut les gringoys, j'espère que vous allez tous bien et qu'on va faire une bonne émission et que les auditeurs vont en avoir pour leur pognon puisqu'ils commencent à nous donner du pognon, donc là maintenant l'exigence augmente. C'est sûr. Derek est présent avec nous aussi cette semaine, salut Derek. Ouais, salut Gandalf, salut les gars, je voulais juste te dire Astérix, allez les bleus Astérix hein. Allez bleus, avec un E, avec un S. E et sans queue, mais on va en parler plus tard, on va se régaler. Enfin on va se régaler, malheureusement non, on va vomir, mais bon. Et Fulbert nous fait le plaisir être avec nous cette semaine, comme chaque semaine. Salut Fulbert. Bonsoir Gandalf, enfin bonjour Gandalf, bonjour à tous. Alors, première rubrique, courrier des lecteurs. J'ai eu beaucoup de courriers des lecteurs cette semaine. Je ne vais pas tous les prendre, donc ils seront étalés dans le temps. J'espère que ceux qui nous envoient des courriers ne s'en alarmeront pas. Donc, comme on a pas mal de choses à aborder dans l'émission, on est bien obligé de procéder ainsi. Donc voilà, donc, ce n'est que certains courriers de ceux qu'on a reçus et d'autres sont lus dans les prochaines émissions. Alors, premier courrier de cette première rubrique. Je commence. Le thème, c'est discrimination négative. Vous allez comprendre pourquoi. Bonjour à tous. Je suis un démocrate de 24 ans qui vous suit depuis l'ouverture du board. Donc là, c'est le board d'Empart sur 8chan qui permet en fait de commenter comme ça. Voilà, on a rajouté simplement pour que pour que ceux qui lisent l'article voilà, puissent commenter s'ils le désirent. Dans l'absolu, c'était pas une nécessité. On l'a juste voilà, mis à disposition de ceux qui le voulaient. Depuis, je suis assidûment les podcasts. Comme vous vous en doutez, j'ai une anecdote à vous raconter. Je suis un ingénieur logiciel, diplômé depuis peu. Je viens d'une famille très pauvre, alors j'ai touché chacune de mes 5 années d'études 4000 euros. Diplômé depuis octobre dernier, ce que l'État prend sur mon salaire a déjà probablement remboursé mes 2 premières années. J'ai eu un CDI dans la boîte où j'ai fait mon stage en fin d'études, mais depuis je cherche mieux. Du coup, la semaine dernière, je postule pour une start-up et décroche un entretien. J'ai donc pris ma matinée pour me rendre dans leurs locaux, un grand bâtiment très moderne, dans les vieux et beaux quartiers de la métropole, où je vis depuis le début de mes études, donc Paris je présume. Sur place, je parle à la dame de l'accueil qui m'annonce que le type que je dois voir a du retard. Je prends donc place dans un fauteuil proche de l'entrée. Je regarde timidement autour de moi et je peux observer que tout le rez-de-chaussée est un grand open space où table de ping-pong côtoie table de réunion. Tout le monde est très jeune et a l'air de gauchistes bobos et j'entends des conversations qui tournent autour de Game of Thrones. J'ai horreur de tout ça, mais j'attends pas mieux de la part d'une boîte moyenne, alors je ne fuis pas. Au bout de 10 minutes d'attente, je commence à me dire « Tiens, c'est marrant, j'ai pas vu d'homme encore ». Et là, alors, je relève la tête et scrute discrètement autour de moi à la recherche de semblables. Sur ce rez-de-chaussée où j'attends, il doit y avoir une 50aine de femmes et un seul homme. Enfin, un homme. Tatouage, piercing, keffier, cheveux colorés. Bref, je commence à me demander vraiment dans quel enfer post-moderniste je suis tombé, puis je constate que sur ma gauche, il y a un de ces horribles tableaux de start-up et de SN. Un tableau exposé à l'entrée, destiné à être la première chose que les visiteurs voient, où les ressources humaines forcent les employés à écrire quelque chose censé les représenter, eux, personnellement, mais aussi l'esprit de l'entreprise. Pour le coup, la totalité des messages font référence soit au gauchisme, soit au féminisme. Alors là, ils citent les mots qui sont affichés. 2019, année de la meuf. Diversité, rencontre, délire, melting pot. Girl Power et divers logos féministes. Je réalise l'hostilité du milieu dans lequel j'ai réussi à me fourrer, homme blanc, hétéro, fiancé que je suis. Heureusement, le type que j'attendais arrive finalement, 40-50 ans, bon gros bobo mondialiste. L'entretien se passe plutôt bien, à un moment ce type me demande où je vis. Je réponds dans la métropole, il me demande quel quartier, je lui réponds. Il me lance un regard plein de mépris et de condescendance, il faut dire que je vis à la limite du ghetto. Non, je vis dans le ghetto, mais la partie avec des toxicos blancs qui garantissent la sécurité des blancs, faisant de ce quartier pourri l'un des quartiers les plus sûrs du ghetto, un des rares endroits que ma fiancée et moi pouvons nous payer. Sur le coup, je dis rien, et l'entretien se termine tranquillement. Apparemment, j'ai réussi à leur donner une meilleure image de moi que celle qu'ils m'ont donnée d'eux, car j'ai réussi à décrocher un second entretien. 10 minutes de test de personnalité avec les ressources humaines pour voir si je suis fait pour ce métier, Dixit. Je ne voulais pas de ce poste, mais la ressource humaine chargée de cette tâche était là et dispo, alors pouvant enchaîner les deux, j'ai décidé de le faire par curiosité. Je me doutais que le but était de voir si j'étais assez gauchiste pour eux, mais je voulais voir comment ça se passerait. Première impression, elle est très familière, parle comme une 68arde, me tutoie, utilise des idiomes du type « tu vois », et fait des sous-entendus impliquant normalement une proximité. J'ai même l'impression qu'elle me drague un peu alors que j'ai mentionné que je vivais en couple. Je suis terriblement mal à l'aise, mais j'essaye de ne pas révéler mon fascisme. Elle me demande si j'ai un problème avec l'idée de travailler avec des femmes ou à recevoir des ordres d'une femme. Bon, jusque-là, c'est pas du gauchisme délirant. Elle me dit que leur boîte soutient la discrimination positive, la mixité, la diversité, la parité, et me demande si ça me pose un problème. Il n'y a que des petites bourgeoises filles à papa aux cheveux colorés, recouvertes de tatouages et d'autres joyeusetés féministes, toutes blanches à part une beurette. Je sais éperdument que la seule réponse attendue quand elle me demande ce que j'en pense est de l'approbation. Ce n'est pas ce que je réponds. Ouais, bah c'est la norme maintenant. Ça c'est ce qu'il répond quand on l'interroge. Et là, elle poursuit. Ce qui signifie que nous privilégions des candidatures féminines ou de personnes issues de la diversité. Je sais pas trop quoi répondre, je ne veux pas affirmer ces conneries, mais je ne tiens pas à être blacklisté. Donc je dis juste, oui, la décision vous appartient après. Finalement, ça se termine, je n'ai toujours pas eu de retour de leur part, et j'en suis plutôt content. Merci de m'avoir lu, et bon courage à tout le monde. Alors, c'est pour ça que je disais avant de lire le courrier que c'était discrimination négative. Alors là, ouais, bon, bah, un entretien d'embauche, dans une boîte, on sait pas de quoi, bon, informatique, hein, évidemment, mais dans le détail, on sait pas. Alors, du coup, je vais, bon, bah, prendre vos réactions. Qui veut parler ? Alors, moi, je pensais que les boîtes étaient là pour faire du profit, c'est-à-dire qu'elles étaient là pour avoir des talents qui font quelque chose, qui ont une activité, qui se développent. Non, l'objectif, c'est d'avoir des nanas avec des cheveux bleus, ou des négresses, ou des transsexuels, ou des... Enfin, je sais pas, des nains peut-être, hein, des nains transsexuels noirs, hein, noirs ou blancs transracio. C'est très perturbant comme truc. Est-ce que c'est une boîte qui fonctionne avec du subside, avec de l'argent public? Je sais pas. Mais que font les actionnaires, quoi? Est-ce que ce sont les banques qui gèrent ça et qui elles aussi sont quand même gangrénées par le cosmopolitisme, hein. Il y a qu'à voir ce qui se passe avec les plateformes de paiement Visa, etc., qui imposent ça. Je sais pas, mais moi ça me surprend de voir ça dans des boîtes qui sont censées faire du fric et qui manifestement se tirent une balle dans le pied. Asté veut en parler. Ouais, ben moi je crois que malheureusement le dicton, vous savez, impossible n'est pas français, il a été un peu pris au sérieux par tous les connards qui nous dirigent, parce que entre apprendre la grammaire à des nègres, faire travailler des singes venus des quatre coins du monde, venus de tout le tiers monde et tout, je pense vraiment que, tu sais, c'est le truc aussi, quand on veut, on peut, quoi. Ben non, mais là, vous voulez des trucs vraiment pas possibles, les gars. Là, ça marchera pas, quoi. On en parlera tout à l'heure pour le foot, mais c'est tout pareil. En fait, c'est vraiment l'égalitarisme français est dysfonctionnel et il va nous projeter dans les poubelles de l'histoire, de l'histoire, comme aurait dit le royaliste en chef. Mais je crois vraiment que on va marquer l'histoire dans un sens. Vous savez, il y a eu l'épée des Grecs, il y a eu des décadences comme ça dont on parle encore 2000 ans plus tard. Et nous, vous imaginez, ça sera incroyable, quoi. Tout est irréel, quoi. Enfin bon. Pierrot voulait reprendre. Oui, bah c'est vrai que, comme disait Eric, en fait, c'est des boîtes qui font pas du pognon, ils servent d'abord une idéologie, et puis le pognon, on verra après. Ce qui est d'autant plus con, parce que, enfin, moi, perso, je vois pas ce qu'il y a de plus productif qu'un jeune homme qui est blanc, qui est forcément dynamique, quoi. Donc, bah j'espère que ce démocrate participatif n'a aucun regret, parce que, bon, s'il y a aucune nana, ça devait être une bonne ambiance de merde. Il parle de... C'est un nouveau truc maintenant, de hiérarchie horizontale. Alors c'est un truc... C'est pas le terme qui est employé dans le texte, mais c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire, en gros, tout le monde se vaut. Il n'y a pas vraiment d'hiérarchie. Ils jouent au ping-pong, je crois que c'est ça leur délire. Mais ça, c'est juste une façade, en fait. C'est une stratégie de management à l'américaine. Mais à la fin, l'employé, en fait, il a aucun pouvoir de décision. Il est égal juste quand il s'agit de savoir qui c'est qui va faire le café, ça serait à tour de rôle, quoi, pas plus. Donc, en plus, ça donne un peu une ambiance assez hypocrite. Alors, si en plus vous rajoutez des gonzesses, c'est encore plus hypocrite. Non, ce que je voulais dire, tout simplement, c'est que, personnellement, je pense que dans ce genre de situation, j'aurais dit que, bah justement, étant un blanc en France, Donc étant une sorte de minorité raciale, eh ben j'aurais dit je veux bénéficier de la discrimination positive. Voilà, je sais pas si ça aurait passé, mais. Magdav. Mais alors déjà, t'as évité l'enfer, mon gars. Parce que les gonzesses, bosser dans un environnement féminin, c'est l'enfer. Et les premières à le dire, ce sont les femmes. Voilà. N'importe qui a vécu avec une gonzesse qui a un travail, le sait. Quand ta nana, elle rentre, de quoi elle parle, de son boulot, de ses collègues qui l'ont fait chier, et c'est toujours des femmes. Et ça a été démontré dans des études de sociologie ou de psychologie. Les nanas n'aiment pas bosser dans des environnements typiquement féminins, parce que c'est l'enfer. C'est-à-dire, elles se dénigrent, elles se comparent, c'est une usine à ragots, donc t'as évité l'enfer. Mais moi, tu vois, j'aurais fait une petite blague. Je lui aurais dit déjà, mais qu'est-ce qui vous prouve que je suis un homme? Et qu'est-ce qui vous prouve que je suis blanc? Hein? Parce qu'après tout, il ne faut pas confondre identité de genre et genre perçu. Voilà. Ouais, identité de genre et perception de genre, attention. C'est ouais. Non, c'est vrai. Le phénomène qu'on voit... Alors en fait, il y a quand même il y a quand même une pression de plus en plus forte de la part déjà des pouvoirs publics. Et c'est un peu pour ça que Derek posait la question, est-ce que ce sont des gens, est-ce que c'est une entreprise qui dépend de commandes d'État, à un titre ou à un autre, est-ce qu'il y a eu des accords, etc. Bon, bah ça, on le sait pas par définition, mais le gouvernement, donc, qui est en substance une gigantesque bureaucratie parasitée par des juifs et des fiottes, parce que c'est ça maintenant, hein, voilà, ils mettent en place leur... comment dirais-je, un cahier des charges idéologiques, où effectivement, en fait, l'efficacité économique est progressivement relayée au second plan, et l'ingénierie sociale, et socialiste d'ailleurs, est de plus en plus prégnante. Donc c'est bizarre, mais on évolue un peu à contre-temps de l'Europe de l'Est qui sort... sorti maintenant il y a plus de deux décennies du système soviétique, mais j'ai l'impression que nous, on est dans un système socialiste ou social-démocrate, mais on tend vers le socialisme dur. Alors attention, hein, c'est pas le collectivisme, mais je veux dire, on sent que voilà, que c'est coercitif, que tout le monde doit s'y plier, et c'est ce qui est extrêmement frustrant pour un jeune comme ça, parce que 24 ans... Le jeune ingénieur, compétent, je présume, ne demandant qu'à apprendre en plus, on passe un entretien, puis en fait on s'entend dire que finalement les compétences c'est totalement, totalement secondaire, ou du moins voilà, y a, c'est parmi les filtres appliqués, c'est pas forcément le plus important. Le plus important c'est d'être un nègre ou une pute. Et puis l'arnaque du terme discrimination positive, mais c'est, ça ne veut rien dire. C'est la discrimination, c'est séparer ce qui est positif de ce qui est négatif, par principe. Mais ce qu'ils ont fait, ça s'appelle de la discrimination raciale. C'est tout, basta. Et de la discrimination de genre, ce qui est interdit. Je ne sais même pas si ce qu'ils font est légal, pour commencer. C'est en fait... Oui, il n'y a pas une législation claire. Ce qui est interdit, c'est la discrimination sur la base du sexe. C'est vrai que mais ça n'a jamais été... Parce que, pourquoi il n'y a jamais eu d'affaire? Parce qu'on sait très bien que... Enfin, déjà, les hommes ne se plaignent pas. Non, mais attends. Rarement. Enfin, j'ai jamais non, mais vu, tu as des normes. Vu un homme aller... Tu as des normes de management, hein, normes sociales, environnementales, les ISO, machin, pour la parité, mes couilles et compagnie. Donc là, en fait, notre ami, là, s'il voulait avoir un boulot... Il aurait fallu qu'ils disent qu'il entraînait son anus pour se faire défourailler par des espèces de nègres, par exemple, de clandestins, pour les satisfaire. Tu vois, là, il aurait pu avoir une chance d'avoir un job. Bah là, j'ai vu, il y a une sortie de Marlène Schiappa, en tout cas qui date de quelques jours, dans laquelle elle explique vouloir... La parité, ce qu'ils appellent la parité, dans 50% d'hommes, 50% de femmes, dans tous les domaines, dit-elle. Dans tous les domaines. Donc en fait, ce qu'ils ont déjà appliqué dans le domaine politique, vous savez, maintenant vous ne pouvez plus vous présenter à une élection sauf pénalité, sans avoir des listes strictement mixtes, De la même façon, il faudra des quotas dans, dit-elle, tous les domaines. Alors, elle n'a pas explicité, mais j'ai un exemple très concret que j'ai, que, enfin, qui a même été cité sur le site. C'est le cas du Quai d'Orsay, donc le personnel diplomatique français, où le gouvernement a exigé, enfin est en train de mettre ça en place, quoi, en ce moment même, a exigé en fait la parité stricte dans le corps diplomatique. C'est-à-dire que pour un diplomate homme, il faudra un diplomate femme. Et ils ont dit, enfin ça c'était ce qui se disait au Quai d'Orsay, que le Quai d'Orsay allait passer par une très mauvaise période, parce qu'on allait en fait mettre des femmes moins compétentes, simplement parce qu'elles ont des ovaires en fait, dans des responsabilités diplomatiques, parfois très sensibles. Donc voilà. Le niveau va baisser, donc y compris dans des domaines régaliens comme la diplomatie. Donc, je veux dire, ce qu'il a vécu dans son entretien d'embauche, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment, comme dit Schiappa, dans tous les domaines. Alors, bon, la diplomatie, c'est régalien, c'est le gouvernement. Donc, le gouvernement, là, il a directement la main sur la gestion des personnels, donc il peut totalement imposer telle ou telle personne à tel ou tel poste. Donc, là, c'est de la prise directe. Mais dans les entreprises, là, ça se fait plus par... des incitations financières, fiscales, effectivement des normes, toutes ces choses-là, quoi, en plus de l'air du temps, quoi, voilà. Mais c'est un vrai phénomène, et il s'agit bien, parce qu'il faut quand même clarifier tout ça, effectivement, comme l'a dit McDav, c'est de la discrimination raciale et de la discrimination sexuelle, mais elle est valide dans la mesure où elle est contre les hommes blancs, voilà. Donc c'est ça, c'est tout. Il faut comprendre, hein, l'idéologie anti-blanche, elle est au pouvoir en France, hein, voilà. Ouais, mais moi, je pense que t'as moyen de poursuivre malgré tout. Après, il faudrait un collectif d'avocats qui sorte les doigts du cul et qui soit très très offensif. Après, pour la question de l'aide d'État, elle existe, hein, parce que enfin c'est le cas dans la fonction publique. Mais dans le privé, le principe d'une start-up, c'est de la spéculation, puisque beaucoup de start-up ne sont pas rentables en fait. C'est vraiment du capitalisme. Avec une prise de risque qui est très importante. Alors après, il y a quand même au moins 50 personnes, de ce que nous dit notre auditeur. Et moi, ce que je vois surtout, c'est des bourgeois, enfin des gens qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de pognon, qui en fait filent du pognon dans des startups qui sont pas rentables ou qui ne seront jamais rentables, à leurs gamines qui sont totalement incompétentes. À une époque, la difficulté du bourgeois, c'était de caser sa fille, où il fallait mettre une dot, et puis bon, bah là, on lui fait ouvrir une start-up, et puis on lui file 1 million, 2 millions d'euros pour qu'elle puisse faire semblant de bosser, elle et ses copines. Oui. Moi je voulais juste rebondir, McDav avait noté, mais là, maintenant, je me rappelle plus, parce vous avez développé pendant 10 minutes, mais il avait noté un terme de novlangue qui mettait tout le monde... Qui foutait tout le monde dans le... Enfin, je sais plus, McDav, tu te rappelles plus de ce que tu disais là? Enfin bref, passons. Mais ce que je voulais dire, c'est que ceux... Tu t'en rappelles? Oui, c'était juste que la discrimination, c'était voilà. Par principe scinder le bon du mauvais. Donc c'est séparer le positif du négatif, c'est tout. Voilà, voilà. Donc en fait, moi, ça me fait faire une petite digression juste d'une minute, mais... Tous ceux qui n'ont pas les couilles d'être sur les deux sujets clés, à savoir l'antisémitisme et le racisme. Et soit qu'ils n'ont pas les couilles, soit tout simplement qu'ils ont trop à perdre parce qu'ils sont trop trop connus, trop riches, voilà, ou trop de gamins, machin. Enfin, bref, on peut avoir trop à perdre dans ces combats-là. Ces gens-là doivent pas être des sous, doivent pas être des espèces de Marine Le Pen ou de Wauquiez, des espèces de mecs qui disent ce qu'on dit en plus off. Non, non, s'ils sont réellement dans notre combat, mais que juste pour des raisons circonstancielles, ils ne peuvent pas assumer le combat jusqu'au bout, qu'ils soient spécialistes. Et les spécialistes de la novlangue seront sûrement les gens qui nous seront le plus utiles. Des gens qui déconstruisent toute la novlangue, qui font des tutos, des podcasts YouTube dessus. Et ça cartonnerait des trucs apolitiques. Ils ne se mettent sous aucune étiquette. Ça nous serait très utile. Des gens qui détruisent l'égalitarisme, ça nous serait très utile. Mais tous, en fait, c'est-à-dire des spécialistes, des gens qui, en fait, prennent un domaine de ce qui nous concerne, nous, dans notre lutte globale contre contre un ennemi qui attaque sur tous les fronts. Il nous faut en réalité des spécialistes qui ne se mouillent pas idéologiquement, mais qui, par leur spécialité et par ce qu'ils travaillent, nous donnent des billes, même pas des billes, c'est des banderilles qu'on fout dans le cul de l'opposition quand on a toutes les statistiques ethniques, tous les trucs comme ça. Après, on est blindé, on a plus qu'à avoir un haut-parleur et ce que les gens se débouchent les oreilles et puis c'est bon. Quelqu'un d'autre ou je passe au courrier suivant? D'accord. Second courrier, toujours dans le thème du travail. Hein. Tout d'abord, merci pour votre travail et continuez comme ça. Bonjour à tous, je suis un Breton expatrié à Paris. Je travaille dans un restaurant étoilé, dont je tairai le nom. Et franchement, le fleuron de notre gastronomie s'est totalement pédalisé et cosmopolitisé. Donc je commence ma journée par la mise en place du bar, et là on me colle dans les pattes un putain de nègre musulman en plein ramadan, qui capte rien aux français, donc pour nettoyer mon bar, je lui demande d'enlever des verres, sachant qu'il y a 10 verres à tout péter, autrement dit, une demande simple. Je me casse fumer ma clope et boire mon café. Quand je suis revenu, cet abruti m'a enlevé les bouteilles, déjà dépoussiérées, en me laissant les verres à leur place. Il n'avait pas bougé. Les verres en question. Hein. Donc je lui demande pourquoi il ne les a pas enlevés, et il me répond en me montrant les bouteilles. Ça, verre. Voilà, vous voyez, vas-y. Ça, verre, ok. On finit le service et il se casse, et mes collègues m'invitent à boire un verre. Et là, horreur, l'apprenti est un bougne bourré, crachant sur la France et les Blancs, ivre mort. Ce cher génie me sort un couteau et me menace, donc je me suis défendu. Le lendemain, je reviens au travail et on me fait comprendre que je ne suis pas le bienvenu. Mon patron me stipule que je suis licencié. Une agression raciste n'est plairable. Pas moyen de m'expliquer. Voilà ce bougne a fait la pleureuse et moi licencié pour m'être défendu. Magnifique culture cosmopolite parisienne. Donc là, ça c'est un auditeur qui malheureusement a été licencié après s'être fait agresser par un bougnoule ivre mort et donc ce nègre musulman qui était un foutu de nettoyer des verres au comptoir. Bon bah. En fait, ça, c'est le d'hygiénisme appliqué au monde de l'entreprise. Bon, bah, on a déjà eu un premier aperçu avec, comment dirais-je, l'entretien d'embauche. Bon, bah, ça, là, c'est l'hôtellerie, restauration, qui, je crois, brille de mille feux, hein, émission après émission, par touches successives, on fait une sorte de peinture de l'hôtellerie, restauration en France. Qui veut m'en parler de ça? Astérix. Alors là, moi, c'est incroyable parce que j'ai vécu un truc semblable, donc je laisserai les autres commenter sur son cas, mais moi, je vais juste raconter une anecdote absolument similaire. Je travaillais dans un grand groupe hôtelier à Marne-la-Vallée et j'étais responsable du spa, tout ça. J'avais que des nègres et tout ça, que des noirs sous mes ordres, quoi. Mais très très gentil, mais pas travailleur, quoi. Mais en fait, c'est moi qui faisais, j'avais trois personnes, hein, sous mes ordres. J'étais pas un manager, j'étais payé le SMIC plus un paquet de cacahuètes et une grappe de banane, quoi. C'était une blague, quoi. Vous savez comment font les gros grands groupes hôteliers, ils vous filent une médaille, mais rien d'autre, quoi. Donc en fait, j'avais un bougnoul qui travaillait 24 heures sur 24, qui était l'espèce d'homme à tout faire dans le truc. Et moi, en fait, tout se passait très très bien. Je parlais les langues étrangères, je gérais bien les négros et tout. Tout se passait bien. Le spa était nickel. Il n'y avait jamais eu une plainte. Il y avait beaucoup de Saoudiens. Il y avait beaucoup de gens très très très riches qui allaient dans cet hôtel, quoi. C'était vraiment de l'hôtel d'élite. Donc, quand tu arrives à gérer des noirs qui font du travail à peu près correct pour des Saoudiens qui sont prêts à te flinguer, enfin, en tout cas dans leur pays, quoi, qui sont prêts à te pendre si t'as laissé une toile d'araignée dans le coin de la chambre. Là, c'était une grosse performance de ma part. Je me trouve face à un bougnoul, qui venait souvent chez moi. Et il se trouve qu'à cette époque, avec un ami, on s'amusait souvent à utiliser le N-word, le mot nègre. Qu'on prenait un malin plaisir à utiliser, alors qu'on n'était absolument pas politisé, c'est juste que ça nous faisait marrer, je sais pas, c'était par rapport à Tarantino, plein de trucs qu'on avait entendus. Le mot nègre nous faisait incroyablement marrer. Et il se trouve que ce type, cet arabe, qui vivait en fait dans l'hôtel dans lequel je travaillais venait me voir et venait nous voir tous les soirs là où j'habitais. Il nous a dénoncé pour racisme. Donc le truc s'est barré un petit peu en couille. Moi j'ai dit venez, j'ai dit aux gens du soir quand je rentrais dans l'hôtel pour faire ma, je travaillais de nuit puisque c'était l'entretien du spa et la journée les gens étaient dans le spa. Donc je rentre de nuit et je dis aux mecs qui font la sécurité envoyez-moi Aziz que j'ai quelque chose à lui dire. Et ce gros Aziz qui venait de balancer à la direction que j'étais un énorme raciste. Qui projetait mais des trucs hallucinants, c'est-à-dire il avait fait de moi un disciple du Troisième Reich alors que je ne l'étais pas encore. C'est enfin bref. Et il était à 3 mois. il avançait. Sa montre avançait de 3 mois quoi. En tout cas, le Aziz en question vient vers moi. Il se trouve que j'étais en train de passer un coup de balai. Et là, le Aziz, je lui mets quand il me tend la main, je lui serre pas la main, il me met une droite, je lui mets un coup de balai dans la tête et je pars en courant parce qu'il était beaucoup plus balèze que moi. Je vais voir les gars de la sécurité et je dis que le Aziz en question est devenu fou. Et ben, si vous me croyez pas, alors que j'avais une très très bonne relation avec la manager, vraiment vraiment, c'était une femme de 30 ans, on rigolait ensemble et tout, et elle pouvait pas se saquer cette espèce de mignoule. Elle me l'a dit yeux dans les yeux, elle m'a dit. T'as aucune chance, c'est toi qui vas te faire virer. Quand j'ai dit c'est lui ou moi, parce que moi j'ai été à la voir, j'ai fait c'est lui ou moi, quoi. Je peux pas travailler avec ce cloporte qui me traite de raciste et tout. Donc déjà, ils avaient l'histoire qui me traite de raciste n'avait pas dégénéré parce que j'avais nié et que ça se passait en dehors du truc et qu'il y avait aucun témoin. Donc ça, tout ça n'avait pas dégénéré. Mais au moment où il y a eu une embrouille entre lui et moi, alors que c'est lui qui m'a mis le premier coup de poing, et alors que c'est lui qui s'est mis à raconter n'importe quoi sur moi en me décrivant comme un disciple du Troisième Reich, le type a eu gain de cause. Incroyable. Alors que c'était un bon à rien, qui était juste, vous savez, l'homme a tout fait, en fait, l'espèce de gogol, un bougne, le collabo, vraiment le collabeur, comme le dirait l'autre, par excellence, quoi. Donc il m'est arrivé exactement le même genre de situation, c'est-à-dire, une injustice flagrante où le bougne, doit morfler et où c'est toi qui morfles uniquement parce que tu as affaire à un bouilli. Et alors je ne te dis pas s'il avait été noir, non mais là s'il avait été noir, elle m'aurait peut-être même pas parlé, la manager avec qui je m'entendais bien, celle avec qui je buvais des verres la veille m'aurait peut-être même pas répondu au téléphone. Donc j'ai eu de la chance encore que ce soit un bouilli. Ouais bah là je découvre hein, ton histoire aussi en même temps, c'était impressionnant. Qui veut réagir soit sur ce qu'a dit Astérix, soit sur le témoignage en premier lieu de celui qui nous écrit Moi, je note que notre ami là, s'est fait virer par un bougne donc, qui a sorti un couteau. Non, il ne s'est pas fait virer par le bougne qui a sorti le couteau. Pour une altercation avec le bougne. Ouais. Voilà. Tant pour moi. Un arabe avec un couteau, bon, c'est comme de l'eau qui mouille. Et bourré, donc en plein ramadan. Sûrement le ramadan. C'est la spiritualité islamique, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ouais, mais c'est le soleil s'était couché. Hein. C'est ce qu'on appelle le jeûne de ramadan. Hein, le fameux jeûne de ramadan. C'est le règne de la pleurniche, quoi. Bon, les juifs, bon, ils sont au-dessus, ils instauraient le truc. Puis t'as les espèces de petits machins. Alors, le qui de son aigle, qui de sa fiotte, qui de son arabe. Le type a beau essayer de te poignarder, il n'y a pas de problème. Hein. Du moment qu'il pleure, tu es blanc, t'as tort, tu fermes ta gueule et tu dégages. Hein. Ça marche comme ça. On trouve pas de français pour faire ces travaux-là. Ah oui, bah oui, on trouve pas de français. Surtout en Lévire. Non, mais c'est la thématique de nos courriers des lecteurs, là, aujourd'hui, c'est discrimination positive. Hein, c'est bien. Hein. Bah ouais, quand tu écoutes la propagande officielle, qui je dis est de plus en plus dont le caractère soviétique. Oui, radical, c'est radical. Oui, ça se radicalise. Mais c'est le propre de ce type, à la fois le propre de l'idéologie égalitariste, et surtout quand elle est propagée par un gouvernement, finit toujours par télescoper la réalité, puisque l'égalité n'existe pas sur cette terre, n'est-ce pas ? Et plus le temps passe, plus il y a un phénomène qu'on voit se prendre corps, c'est que les exigences égalitaristes deviennent de plus en plus fortes, détaillées, spécialisées. Hein, j'ai cité Schiappa qui veut voir le corps diplomatique français composé pour moitié de femmes. En réalité, l'objectif, c'est 80%. Hein. Et à terme, 100%, comme ça, elles feront tout ce qu'on leur dira. Mais plus la réalité, elle, dit autre chose. J'ai observé aussi que les thématiques de cet ordre-là deviennent de plus en plus utiles pour le pouvoir. Donc les thématiques, enfin le pouvoir, donc, qui est identifié, enfin, le pouvoir juif, quoi, judéo-globaliste, a de plus en plus recours à l'alimentation, attise de plus en plus, si vous voulez, la haine des femmes envers l'homme blanc et des races de couleur envers l'homme blanc. En fait, pour détourner l'attention du prolétariat, de ses vrais problèmes sociaux quotidiens. Et c'est très habilement joué, je dois le dire, de la part des juifs, parce que ça leur permet effectivement de jeter un os aux chiens pour qu'ils se battent entre eux, en fait. Et du coup, entre ce que le prolétariat blanc français de souche vit au quotidien et ce que décrit le pouvoir en place, ce que décrit le système, il y a un univers, quoi. Il y a un univers. C'est-à-dire que tous, bah, les deux cas qu'on a donnés là, mais surtout l'auditeur qui s'est fait licencier, bah, lui, quand il ouvre ses médias, tu vois, enfin quand il allume la télévision, quand il allume la radio, ou quand il lit un journal, s'il prend pour argent comptant, c'est pas le cas, mais s'il prend pour argent comptant ce que disent ses médias, normalement, il vit dans un système patriarcal, blanc, raciste, néocolonialiste, qui opprime les Noirs qui se font abattre dans les banlieues par une police qui tire à vue, avec des islamophobes qui patrouillent dans les rues pour couper les barbes des musulmans qui vivent dans la terreur, et les juifs sont une minorité opprimée, invisible et persécutée pour des raisons dont on ignore tout, en fait. Donc c'est quand même délirant. Et au quotidien, bah non, au quotidien, en fait, t'es un blanc, tu te fais cracher dessus, tu te fais attaquer au couteau, tout le monde te lâche au premier problème. Et le seul rôle objectif du gouvernement, c'est encore en plus de te mettre la tête sous l'eau. C'est qu'une fois que t'as réussi à affronter Aziz et son pote nègre, une fois que t'as réussi à gérer des pétasses gauchistes, filles de Bourges, qui essayent de te priver de boulot, une fois que t'as géré tout ça, t'as encore les autorités au plus haut niveau qui te disent que ta vocation, c'est de disparaître. Je veux dire... Excuse-moi, Gandalf, je vais essayer de faire très court, mais j'ai une petite anecdote qui ne se passe pas dans le monde du travail, qui se passe pour le coup à l'école. Je vais essayer de faire très court, si c'est trop long, bah tant pis, j'en serai navré pour les auditeurs. Mais j'étais dans un bahut, j'étais un élève perturbateur dans le sens très très participatif, très chieur. Si une prof faisait une faute d'orthographe, je me foutais de sa gueule et je lui disais... Je balançais des bouts de gomme sur les faillots. Enfin, un élève perturbateur, un peu chiant, mais bon élève, très bon élève. Et là, il se trouve que je suis dans un bahut en zone d'éducation prioritaire. Je suis dans un bahut où je deviens quasiment en minorité. J'étais à la période où ça commençait à vriller, quoi. On était à 40-60, quoi. Et encore, si on compte tous les étrangers, non. Les Français de souche étaient déjà en minorité. Mais si tu comptes les Français, Portugais, tout ça ensemble, là, on était encore largement en majorité quand même dans ces bahuts-là, à mon époque. Bref, il se trouve que dans ce bahut, ils avaient un tableau avec les expulsés. Le problème, c'est que ce tableau, semaine après semaine, mois après mois, n'avait que des noms d'arabes, parfois un nom turc, parfois un nom africain. Mais 80% de noirs. Et là, très très très problématique dans cet univers ultra-gauchiste qu'est l'éducation nationale. Et je suis absolument persuadé, mais c'est entre moi et mon intime conviction et mon sixième... Mais je le sais, mais je suis le seul à le savoir, j'ai aucune preuve. J'ai été expulsé, moi qui tenais un club d'échecs avec le prof de maths du bahut. C'était moi qui l'avais monté avec le prof de maths du Bahut. Moi qui était un des premiers dans tous les sports. J'étais deux ou troisième de ma classe toujours. J'avais trois ou quatre profs qui avec qui j'avais des relations quasiment filiales, quoi. À la fin de l'année, ils disent à ma mère, on ne peut pas reprendre votre fils, il est trop horrible. Et avant ça, pendant l'année, j'avais eu trois jours d'exclusion. Trois jours d'exclusion, donc sur le tableau, au milieu de tous les noms arabes et noirs et turcs, un petit nom français. Et vous le croyez, vous le croyez pas, je suis absolument persuadé que j'ai été victime d'une décision 100% politique. Ils se sont dit, quel blanc peut être viré sans qu'il se passe rien. Ils ont étudié par rapport au profil des parents et tout. Ils savaient que moi, ma mère était tout le temps du côté de l'institution. Ils se sont dit, je suis sûr qu'il y a eu une petite étude, il y a eu des discussions. Ils ont décidé de mettre un blanc au milieu de ce tableau parce que ça devenait intenable. Enfin bref, voilà tout ce genre de trucs, quoi. De toute façon, ça dure depuis 20 ans. On est complètement victime de... Mais bon, le truc qui est brave quand même chez les Blancs, c'est de remarquer qu'aucun de nous se plaint. Tu n'en vois aucun qui se plaint. Les premières associations de racisme anti-blanc ont été montées il y a 3-4 ans. Les mecs qui se plaignent, il y en a très très peu, alors que c'est... Enfin, les gens qui connaissent la vie que moi j'ai vécue en banlieue de petits blancs en plus, c'est-à-dire de petits blancs sans grand frère, qui vit dans une maison dans la génération Y avec que des femmes autour de lui, la proie idéale. Ceux qui connaissent cette vie, mais c'est incroyable, quoi. C'est l'injustice qu'on vit et la dignité avec laquelle on la traverse, ça fera de nous les héros des temps modernes, hein. C'est ce que moi je dis à tous les jeunes qui traversent les périodes que moi j'ai traversées, quoi. Qui les traversent fièrement parce que c'est incroyable ce qu'ils vivent, quoi. C'est... Enfin bref. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, ils sont. Alors tu parles des organisations. Alors organisation de lutte contre le racisme anti-blanc. En fait, il y en a essentiellement une. C'est l'OLRA qui est une création juive. Il leur en manquait une. Hein, voilà. Bon. Oui, donc, ah oui, en train de dire, j'avais même pas fait gaffe à ça. Bah oui, lutter contre le racisme, c'est pas un truc de blanc, hein, de privé. Non, non, parce que ça, c'est un truc de minorité, et de minorité dans l'esprit, et même un blanc en minorité ne gêne pas comme une minorité. Il y a Bernard Anthony, je crois, qui a fait ça. Mais majoritaire sur le plan intellectuel, quoi. Bernard Anthony, qui a quand même une gueule... Ah, pas très... Bah... Oui, qui aime beaucoup les juifs, d'ailleurs. Oui, comme quoi... Oui, non, mais c'est vrai que c'est pas dans la psyché du blanc, comment dire, de ce genre, le blanc, comme dit le proverbe, aide-toi et le ciel t'aidera. Je pense que c'est un excellent proverbe. La seule façon pour Dieu d'intervenir, c'est qu'on intervienne d'abord pour soi-même. Et c'est ce que font en général, j'ai bien en général, pas tout le temps, mais en général, les jeunes blancs qui sont en difficulté, en fait, ils essayent, enfin, c'est possible, ils essayent de trouver des opportunités pour se dépêter de là. Mais c'est pas évident. C'est pas évident et c'est intéressant. C'est pas évident et ça l'est de moins en moins, quoi. Le courrier de notre premier auditeur est le parfait exemple, quoi. Quand tu as des boîtes privées qui se mettent à dire non, mais alors oui. Oui, non, mais vous n'avez pas les cheveux bleus, vous n'avez pas l'anus dilaté, vous n'êtes pas noir. Monsieur, votre profil pose problème. Hein, Alors le problème, c'est que c'est très dangereux comme approche, puisque ça génère en fait un surplus de gens très talentueux, frustrés. Oui, hein, ça les radicalise. Mais même au-delà de ça, c'est-à-dire que déjà, ils passent par un processus en fait, de déniaisage par l'expérience, voilà, c'est-à-dire si tous ces gens, tous ces jeunes, surtout des jeunes qui rentrent dans la vie active ou qui y sont, ben finalement, si tout allait bien pour eux, ils n'auraient pas, par définition, besoin de se poser trop de questions. Là, c'est ce qui se passe de plus en plus. Mais surtout, on les écarte. Enfin, on les écarte pas tous, mais de plus en plus, on pratique une discrimination d'État. Pour faire la place à tous les parasites qu'on a cités. Et ce que je veux dire, c'est que là, ça va créer une réserve hétérosexuelle blanche, frustrée à juste titre, hein, qui aura le sentiment de vivre une profonde injustice sociale, et qui va progressivement se poser les questions, qui va progressivement essayer de trouver des solutions. Et quand on va parvenir au point d'ébullition, je pense que ces solutions seront assez violentes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de faire. Enfin, je pense qu'ici, l'évangile qu'on prêche, c'est l'évangile de la colère du jeune blanc, quoi. Voilà, c'est ce qu'on dit. Comme je dis, ici, le but, c'est de faire gagner du temps. Hein. C'est de, voilà, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. On a encore reçu des courriers comme ça. Il y a un courrier comme ça, je lisais ça, qui remerciait parce qu'il se posait beaucoup de questions. Il était comme toi, Astérix, dans ta jeunesse. En fait, il était en milieu hostile, ethniquement hostile. Bon, jeune blanc essayant de survivre dans cet univers-là. Et en fait, en écoutant l'émission, avec beaucoup de cas concrets ou de faits d'actualité, il nous remerciait de l'avoir aidé à clarifier un petit peu sa propre situation, à prendre vraiment conscience de ce qui se passait, où il se situait par rapport à ça, et de décortiquer les mécanismes en place. Et une fois qu'on prend conscience et qu'on comprend la situation, ensuite vient le moment des solutions. Et je pense que ça, là, à mon avis, hein, la décennie qui vient, 2020-2030, ça va mûrir. Ça va mûrir ouais. De plus en plus. On va faire changer tout ça. Ces jeunes auront vraiment des gens sur qui compter et des gens à suivre, quoi. Et on sera ces gens-là, les gens qui sont un peu plus vieux que nous aussi, comme notre doyen Fulbert. Voilà, on sera leurs exemples et ils sauront à quoi essayer de ressembler, enfin même en mieux, hein, j'espère moi en tout cas, surtout pour mon cas personnel, j'espère qu'ils seront vraiment mieux que moi. Mais en tout cas, ils auront une petite idée vers quoi se tourner. Nous, on était dans le néant total. Moi, j'ai moins d'excuses que les autres déjà, parce que j'avais quand même des gens dans ma famille qui étaient très très corrects, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Excuse-moi Gandalf, du coup je vais juste dire un petit truc, parce que là je me suis pas mal livré. Ça explique aussi pourquoi il est un petit peu ridicule parfois dans les commentaires de ceux qui me traitent de bougnoulophile, patenté. Ils sont vraiment, vraiment... Je leur dis, le problème, c'est que là, ils écrivent vraiment dans le vent parce qu'en fait, moi, à 18 ans, j'étais bougnoulophobe comme très, très peu de gens l'ont été. Simplement, comme tout être curieux et comme tout bon chrétien, j'avais besoin de connaître la vérité, le truc. Moi, je venais d'une famille raciste. Tout le monde me disait que les bougnoules, c'était le top. Je voyais qu'ils dominaient la cour de récréation. Donc, j'ai un peu joué au foot avec eux. J'ai un peu trafiqué avec eux entre 14 et 16, 17 ans. Mais moi, je pense que les gens qui disent qu'ils avaient tout compris à 4 ans et demi, qu'ils étaient déjà des super racistes à 4 ans et demi, moi, je pense que ces gens-là, faut bien qu'ils comprennent qu'ils sont juste en train de démontrer une prétention qui frise la psychiatrie, quoi. Parce qu'en fait, c'est juste pas normal. Un Aryen, c'est un explorateur qui, justement, dans sa quête de vérité, est capable de comprendre qu'il peut, par son conditionnement, avoir une vue trop étriquée d'un sujet et qui donc va explorer... que ce soit par les voyages, par les qui va explorer d'autres. Et moi, à 14 ans, j'ai exploré le mode de pensée bougnoule, ce qui fait que je comprends parfaitement aujourd'hui mes ennemis. J'ai été un espèce de, comme on les appelle, des bougnoules mentaux. Et ça, je le dis, je l'ai été 2 ans. Mais que les gens s'imaginent même pas que je suis un bougnoulophile. Enfin, vraiment, c'est qu'il faut vraiment qu'ils se débouchent les oreilles, qu'ils s'achètent un cerveau, parce que je ne serais pas dans cette émission. En fait, quand vous me traitez de bougnoulophile, vous insultez Gandalf, vous insultez toute l'équipe, en fait. C'est ça aussi que vous compreniez, quoi. Parce que ils ne laisseraient pas un bougnoulophile s'installer dans leur émission. Hein. Ils ont un groin qui leur permet de détecter ça, quoi. Enfin bref, passons, excuse-moi Gandalf, hein. Mais parce que ça revient quand même de manière récurrente, et moi des fois, je me dis, merde, ils y croient vraiment, quoi. Je me demande si c'est des trolls ou si c'est juste des gens qui y croient vraiment. Et vu que je participe absolument pas au Dempart et tout ça, je peux jamais m'expliquer, quoi. Donc là, j'en ai profité, bon. Excusez-moi pour cette petite interlude. Pas de problème, t'as expliqué ton truc, ouais, t'es pas... Non, parce que peut-être que t'as peut-être encore envie de sauver 2-3 Kabyles, quoi, hein, voilà. Chose qui ne nous travaille pas vraiment, voilà, mais bon, il y a quand même une marge de liberté dans l'émission, tu vois, voilà. On tolère que quelqu'un dans l'émission veuille sauver 1 ou 2 Kabyles. Sur quelques millions, voilà, on tolère qu'ils le disent. Je dis pas qu'on est d'accord, mais on tolère qu'ils le disent. Voilà, c'est peut-être ce qui peut induire en erreur certaines personnes. J'avais bien résumé la chose en disant que je suis l'aile chrétienne du 4e Reich, quoi. Après, il faut bien qu'il y en ait une, quoi. Bah, y a Pilon alors, aussi. Alors, messieurs, il faut passer au courrier suivant. Bon courage, en tout cas, à notre auditeur qui s'est malheureusement fait licencier. On espère qu'il se trouvera déjà un employeur de meilleure qualité que ça, hein, parce que quand même, y a mieux à trouver, je pense. Courrier numéro 3, les amis, bonjour à toute l'équipe. Je vous suis depuis le troisième épisode de la première saison. C'est dire si je suis une démocrate participative. Oui, je suis donc une femme. J'ai 36 ans et je suis raciste depuis pas loin de 20 ans maintenant. Je suis agent SNCF. Depuis 13 ans, une entreprise pas réellement nationale socialiste. Le rouge domine encore, même si avec la nouvelle génération, cela tend à diminuer. J'ai eu la bonne surprise de voir dans mes mails professionnels ce document, donc elle nous transmet en pièce jointe. Enfin, la SNCF lance sa fondation pour aider les nègres à s'insérer. Donc imaginez mon bonheur quand j'ai vu cela, ainsi que le montant alloué à cette généreuse et humaniste initiative. Alors oui, effectivement, la SNCF a lancé une initiative pour aider à intégrer les migrants. Il y a plusieurs millions d'euros qui sont alloués pour ce faire. Je pense qu'à mon avis, il y aura surtout beaucoup de gratte-papier qui vont vivre de ce truc-là. Alors, notre auditrice continue. Je suis très surprise de voir qu'autant d'argent a pu être débloqué pour ces gentils réfugiés, pendant que dans le même temps, nous avons eu 150 euros en moyenne de primes d'intéressement, perte de 200 à 300 euros par rapport aux années précédentes. Voilà, c'était juste pour vous faire part de cette initiative qui me rend très très fier de mon entreprise. Ah, vous aurez sans doute aussi passé ces derniers jours devant une autre initiative de la SNCF qui consistait à pelliculer un TGV aux couleurs LGBT pour le mois des fiertés. Le train du sida, oui, nous avons vu ça. Oui, effectivement, juste magnifique, bonne continuation. Je suis une fan de la première heure, je ne manque jamais un épisode. C'est la bouteille d'oxygène indispensable à la bonne santé mentale. Sieg Heil, et c'est Julie qui nous écrit. Bah, bah merci ouais. Julie. Bah merci Julie, et puis... écoute, oui, bon courage. Tu peux constater que les entreprises publiques sont à la pointe de la civilisation. C'est-à-dire que nous allons catapulter des nègres par TGV. Hein, on va les faire aller à 400 km/h, on va aller près de la frontière, et paf, on va les envoyer sur l'Europe de l'Est. Alors, je crois qu'on les envoie même jusqu'à Minsk. Hein. Il y a les Jeux Olympiques, là, bientôt. Là, c'est les Jeux d'Europe. Jeux européens, l'athlétisme, peut-être. Oui, et on a Gnou, qui est une espèce de transsexuel nègre, hein, qui est judoka. Oui. Alors par contre, permettez-moi de faire observer que finalement, parce que ça peut paraître un peu décousu comme type d'initiative, je trouve ça au contraire assez bien vu, c'est assez cohérent, parce que finalement, entre la promotion de la négrification grâce à cette fondation d'insertion des migrants subsahariens en France... c'est quand même la vocation hein, d'une entreprise on est d'accord, une entreprise de train, oui, c'est sûr. Ce qu'on lui demande, moi c'est ce que je lui demande en tout cas, et la promotion donc du sida, ça fait ton sur ton. Le point commun, si tu veux, entre les nègres et les fiottes et les PD, ça reste quand même le VIH, quoi, hein, c'est, oui bah oui, voilà, d'une pierre deux coups. Alors j'ai vu ce magnifique train bariolé de l'arc-en-ciel. Je veux dire, là on est sous occupation, hein, je crois que c'est clair. Il y avait déjà les Juifs, c'était quand même pesant. Au quotidien, il y avait les bougnoules agressifs, mais il manquait juste en fait les fiottes au cul garni du VIH. C'est vraiment ce qui manquait. Bon, oui. MacDav veut prendre la parole. Non, pas spécialement, si. Je pense qu'avec la nouvelle route de la soie, tu vois, on va pouvoir importer des produits chinois qui seront de plus en plus à haute valeur ajoutée. Et puis nous, on leur enverra des nègres. Entre nous soit dit, on est gagnants. Hein. Ouais. Oui. Alors, je pense pas qu'ils vont les prendre. Hein. Je sais pas. Ou alors ils les foutront dans des camps. Quoi. Enfin, On voulait pas les prendre non plus, je le vais observer. Hein, mais... on voulait pas, nous. Enfin, les Français, oui, non, maître, vous voulez bien. Oui, mais le français aime son Oui, âme, quand même. c'est Hein? vrai, quand même. Oui, puisque l'hiver, on Surtout fait quand le chier, français est quand même. breton, d'ailleurs. Hein, bon, Oui. Non, mais il y en a des biens, il y en a des biens. La Oui. preuve, c'est que des bretons. Si. Il y en a qui font du bignou, quand même. Hein. Oui, non, mais je veux dire, celui qui s'est fait licencier, là, dans son restaurant, c'est un breton. Bon, une pensée pour lui, quoi. Alors, j'ai envie de faire observer quand même que Guillaume Pépi, qui est le patron de la SNCF, est quand même une grosse fiotte. Enfin, il faut quand même le souligner. Oui. Je veux dire, c'est... Ça joue un rôle, je veux dire. Enfin, il est peut-être éternellement lié à Emmanuel Macron, j'en sais rien. Il est éternellement lié par l'anus, oui. C'est je crois qu'il n'était pas lié à l'autre, là, comment il s'appelle le sodomite de Sciences Po. Oui, l'anus en fleur de New York, là, Richard Descoings. À quel titre ils étaient liés? Ils étaient amants. Ils étaient amants. C'était son régulier, enfin. Le titre de la communauté. Ouais. Alors non, régulier, ça n'existe pas entre homosexuels. Ouais. Ah si, c'était son amant régulier. Il avait une femme. Ah oui, en plus des autres, tu veux dire. Oui, voilà. Oui. Ouais, bah, il tend. Ouais. Et à mon avis, en haut lieu de la SNCF, ça doit y aller. Hein. Ah, ouais, avoir des gitons partout, ça doit être absolument ignoble. Ah oui. Ah, c'est ce qu'on appelle l'Occident, cher ami McDav. Enfin... Oh, si tout ça te choque, il faudrait quand même te mettre à jour. Un petit peu de progressisme ne te ferait pas de mal. Hein. Non, alors par contre, moi je veux vraiment insister là-dessus. Il y a une sous-estimation de cette lèpre homocidaïque dans nos milieux, je veux dire chez les nationalistes, qui est très problématique. On croit que c'est une question qui relève de l'ordre privé. En ne comprenant pas que ces gens se comportent comme une masse grégaire avec des stratégies de cooptation, de verrouillage, et en plus de leur propre... Il faut comprendre une chose aussi, et ça, un hétérosexuel a beaucoup de mal à l'appréhender, et il ne peut commencer à le comprendre qu'en lisant la littérature homosexuelle, en écoutant les agitateurs homosexuels prendre la parole. Ces gens, la vie de ces gens est structurée autour de leur trou du cul. Ce n'est pas du tout une exagération. C'est le but de leur vie, c'est leur trou du cul. Vous ne pouvez rien comprendre de ces gens si vous n'avez pas compris ça. D'où leur hystérie maladive, psychopathique, à quel point ils sont un rien les enflamme. Et quand vous mettez des gens comme ça à des postes de pouvoir, vous pouvez être sûr que ils mettent que les leurs. Hein. Ouais. C'est. Henri de Lesquin appelle ça les coteries, si tu veux. Il y a la coterie juive qui est tout en haut. Ouais. Juste derrière, il y a la coterie homosexuelle. Et ça fonctionne pareil. C'est-à-dire, c'est une supra-maçonnerie, le truc. Hein. Bah moi, j'appelle ça la maçonnerie anale. La maçonnerie anale. Mais c'est beaucoup plus. Au niveau pouvoir, c'est beaucoup plus puissant à l'heure actuelle que ce que peut être la vieille maçonnerie. Macron est entouré de fiottes. Tu as les deux. Il y a des ponts entre les deux. On est d'accord. Voilà. Mais ce sont des qualités qui ne sont pas mutuellement exclusives. On peut tout à fait être. Certains le sont même avec beaucoup d'assiduité. Hein. Je veux dire, ils sont à la fois sodomites, francs-maçons, juifs. Je pense très fortement à Yann Brossat. Mais comment dire Non, mais il faut vraiment souligner ça parce et pourquoi elle est dangereuse. J'en viens même à penser qu'elle est beaucoup plus dangereuse que la franc-maçonnerie aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que les valeurs de la maçonnerie aujourd'hui sont tellement démocratisées que quelle est la valeur ajoutée subversive de la franc-maçonnerie, je me pose la question, à part être si tu veux, la maçonnerie qui tape sur l'église, qui veut accueillir des nègres, c'est presque le truc qui sert à rien, quoi. On en arrive à un point où Bergoglio peut presque prendre à partie la franc-maçonnerie pour les traiter de réactionnaires. Oui. Alors, ce que je veux dire, c'est pourquoi elle est plus dangereuse ? Parce qu'elle est statistiquement, proportionnellement, plus nombreuse. C'est une raison évidente. Et surtout, comme c'est un phénomène biologique, c'est une pathologie mentale qui est alors peut-être plus représentée dans certains milieux que d'autres, mais quand même qui est globalement répartie à travers toute la population, vous pouvez trouver des fiottes dans différentes strates de la société. Ce qui leur donne une capacité d'infiltration extrêmement dangereuse, même si on en retrouve à très forte concentration dans les hauts niveaux de la société. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement dangereux, extrêmement inquiétant, et c'est une lèpre. C'est une lèpre, et ça, c'est un problème qui doit être adresser frontalement. Ce sont des gens qu'il va falloir neutraliser à un moment ou à un autre. Ça, c'est tout à fait clair. Oui. Alors, ça, c'est évident. Alors là, eux sont vraiment le... Un jour, on devrait peut-être faire même une émission spéciale homosexualité pour décrire à quel point les gens sont à des années-lumière de la réalité sur ce qu'est l'homosexualité. Déjà, faudrait juste que les gens se rappellent de ce qu'est un homosexuel. J'aimais bien Soral pour ça au départ. Il rappelle toujours qu'un homosexuel, c'est un mec qui s'en prend plein le fion. C'est un mec qui se définit par son trou du cul. Faut toujours rappeler ça aux gens. Enfin bref. Mais par contre, pour l'importance qu'on leur attribue, par exemple, ce que disait Derek en comparaison du réseau franc-mac, on va dire old school, quoi, old generation, moi je ne suis pas d'accord. Parce qu'en réalité, les homosexuels se sont installés dans des secteurs qui sont des espèces de bulles. Ils se sont installés par exemple dans la mode, qui tiennent intégralement la mode, qui est un secteur qui rapporte des milliards, des millions, mais qui est un secteur qui va exploser du jour au lendemain. Un pays est un... Déjà avec Internet aujourd'hui, les gens s'informent. Il n'y a plus que les zombies qui continuent à suivre la mode ou quelques types qui sont des fétichistes, quoi. Il y a deux trois types bien qui s'intéressent à la mode, mais la plupart sont des espèces de zombies consuméristes. Et puis ils sont aussi dans la musique, dans l'art dégénéré. Mais c'est pareil, l'art dégénéré ne fonctionne que parce que les gamins de 15 ans ont de l'argent de poche de papa et maman. Tout ça en temps de crise, ça s'éteindra. En temps de crise, il n'y aura plus personne pour aller voir toutes ces pédales qui ne savent absolument pas chanter, qui racontent de la merde, de petites fiottes qui se tripotent les unes les autres. Tout ça va disparaître. Donc là, alors que les francs-macs, le réseau ancien des francs-macs, est lui installé sur des secteurs clés, des secteurs pérennes, des secteurs qui feront qu'ils seront là demain, après-demain, après-après-demain. Les tarlouses, la crise arrive, ils ne sont plus, ils disparaissent quasiment. Ils ne sont dans pas dans la banque. Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que pour une raison biologique, c'est-à-dire que ils disparaissent pas et leur emprise sur la société, enfin leur on voit bien, par exemple, qu'ils ont un rôle vraiment de dissolvant. Et les Juifs s'en servent à ce titre-là. C'est un dissolvant. Et sans la puissance du lobby homosexuel et lesbien, parce qu'il faut pas perdre ça de vue, parce que souvent, quand on dit homosexuel, on pense aux hommes. Il faut pas perdre de vue les lesbiennes, qui sont très souvent les principales cadres des structures dites féministes. Pour Estenko là. Ouais. Donc ces gens-là, ils sont dans les médias, notamment dans les médias. Ils s'insèrent dans le monde politique. À l'Assemblée nationale, il y en a énormément, beaucoup d'homosexuels qui ont tout verrouillé. Donc dans ces domaines-là, par exemple l'Assemblée nationale, si vous voulez, la franc-maçonnerie a ses petits réseaux, elle a ses petites pré-bandes, elle a encore des secteurs où elle peut jouer un petit peu à domicile, mais de plus en plus, en fait, elle est remplacée par ces fiottes qui, quand même, jusqu'à encore une date assez récente, devaient quand même la mettre en sourdine. Je veux dire, ils ne pouvaient pas, comme ça, se donner en spectacle. Maintenant qu'ils ont reçu le feu vert, parce qu'ils voient, en fait, que les mâles blancs hétérosexuels s'écrasent, ils mettent carte sur table et ils exigent de plus en plus de choses, et ce qu'ils exigent suppose la destruction de leur loi sociale. Donc, on le voit de plus en plus, et ils se solidarisent systématiquement des Juifs. Parce que, encore une fois, hein, c'est ce que j'ai déjà appelé, ce que j'ai désigné sous le terme de la connivence des parasites. Ces gens-là se savent qu'ils doivent vivre en symbiose. Donc, le lobby juif est très puissant, le lobby homocidaïque est extrêmement puissant. Bien sûr, la maçonnerie reste présente, comme tu l'as dit, dans certains domaines. Comme j'ai dit, ces qualités ne sont pas nécessairement exclusives. Et puis on pourra en rajouter d'autres, parce qu'après il y en a diverses. Mais ils jouent un rôle extrêmement destructeur, et on le voit vraiment, je veux dire, au quotidien. Parce qu'en fait, ces gens-là ne tolèrent pas l'hétérosexualité, quoi qu'ils disent. Le grand artifice rhétorique que ces gens utilisent, c'est de dire « nous on veut juste l'égalité de traitement ». On parlait d'égalitarisme. Donc ils disaient « non, nous on veut juste pouvoir vivre notre vie ». Non, c'est pas ce qu'ils veulent. La façon dont ils s'expriment, ces gens passent leur temps à vouloir démolir l'hétérosexualité et le fait que l'hétérosexualité soit le pilier d'une société ordonnée. Ces gens-là disent « non, L'hétérosexualité, c'est un choix sexuel parmi d'autres. Donc en fait, l'hétérosexuel, alors qu'il représente 90, si ce n'est pas 95% de la population, doit être au même rang que les homosexuels. Ce qui, en termes relatifs, met sur un piédestal phénoménal une petite minorité agissante dont, comment dirais-je, le but dans la vie est de se sodomiser. Soit d'être sodomisé, soit de sodomiser. Donc voilà ce qui se passe, et c'est ça qui les pousse à faire de plus en plus de propagande, et maintenant c'est une politique d'État. Je voyais encore cette semaine, proclamation par les universités françaises de de l'intégration, de la modification des prénoms, c'est-à-dire que maintenant les travelots vont pouvoir se faire appeler comme ils veulent officiellement dans les universités pour se sentir mieux. Voilà. Et toi, en fait, si tu bronches, si jamais tu vois ça, tu vois un malade mental déguisé en femme se pointer et que tu te fous de sa gueule à cause de son attitude antisociale, tu vas te faire virer de la faculté, tu comprends ? On va même pas te dire de baisser d'un ton, on va t'exclure, on va t'empêcher d'étudier, tu comprends ? Donc moi, je suis pas d'accord de dire qu'il suffit juste d'une crise un petit peu économique et tout ce beau monde-là rentre chez soi. Ça, j'y crois pas du tout. Non, mais... Non, en fait, Gandalf, le truc important de ce que je disais, c'est qu'ils ne sont pas installés sur les secteurs qui survivent à la crise en temps de crise. La banque, l'armement, à l'inverse, la mode, les médias, les choses, les espèces de frivolités dans laquelle ces gens utilisés par les juifs, comme tu le décris très bien, nous dispersent dispersent l'égoïsme et poussent l'égoïsme à être de plus en plus des sous-hommes. Tous ces secteurs-là ne deviennent, s'évaporent, quoi. Parce que la crise rappelle les gens à la réalité. Je pense par exemple à Bilal Hassani. Bilal Hassani ne peut exister que parce qu'il y a une espèce de classe moyenne capable de filer 100 balles à des gamines de 13 ans qui peuvent aller supporter un homme à barbe, un bougnoul à barbe qui chante des trucs de merde, quoi. Et je pense, c'est ça que je voulais dire. Mais par contre, là où il y a quelque chose de très important sur les homosexuels, c'est qu'il faut inclure dans les homosexuels le lobby pédophile. Et lui, en revanche, pour des raisons de secret, pour des raisons de ils se tiennent tous par la barbichette et il ne faut absolument qu'aucun d'entre eux ne tombe. Eux représentent peut-être un des réseaux les plus puissants du monde, mais on n'en saura jamais rien puisqu'on n'a pas accès aux données. Mais on sait qu'ils sont d'une puissance inouïe, puisqu'ils sont dans un crime qui est encore puni par la société. Tous les autres crimes, les crimes qu'ils font, là, l'usure à gogo, les escroqueries qu'ils nous font en permanence, ils se barrent en Israël après nous avoir escroqué au carbone, enfin, bref, tout ça, ça passe à travers. En revanche, la pédophilie, les goyes du Nord, les goyes du Sud, d'ailleurs, les Européens n'ont pas accepté la pédophilie. Et c'est le truc qui fait que le lobby homosexuel est très dangereux, c'est qu'il couvre aussi le lobby pédophile qui n'en est qu'une émanence, quoi. Une émanation, ouais. Ouais. Une émanation, voilà, pardon, oui, excuse-moi. D'accord. Rubrique numéro 2, les amis, avec autisme radical. Et là, c'est RMC qui nous en parle. Avec BFM TV, d'ailleurs. Alors, dans le reportage, il y a un détail, malheureusement, qui ne peut pas être véhiculé. Oh putain, oui, l'espèce de monstre, là, le monstre Alors, j'ai lu l'article. J'ai lu l'article. Je décrirai le monstre après. Voilà. Alors, lors de sa présentation des conclusions du Grand Débat le 25 avril dernier, le chef de l'État a émis le souhait de mettre en place un système où la CAF pourrait prélever directement les pensions alimentaires dues quand elles ne sont pas versées. Si le système existe déjà, il n'est pas pour autant optimal. En France, 40% des pensions alimentaires seraient totalement ou partiellement impayées. Dans les annonces qu'il a faites après le Grand Débat national, Emmanuel Macron a affirmé qu'il voulait lutter contre ce phénomène. Et le petit Thomas n'a que 6 mois. Alors là, en fait, il cite le cas précis en fait, qui leur permet d'illustrer le problème. Et donc, il y a un témoignage audio et vidéo, mais il y a une retranscription écrite. Donc, le petit Thomas n'a que 6 mois quand Laetitia et son ex-conjoint se séparent en 2015. La jeune maman ne reçoit alors aucune pension alimentaire. 3 ans et demi, 4 ans de combat pour obtenir les 200 euros par mois de pension alimentaire pour mon fils, explique-t-elle. Après avoir fait appel à un huissier, Laetitia prévient la CAF en 2017, mais le père de Thomas se retrouve insolvable et la caisse d'allocation comment dirais-je, familiale ne recouvre pas la pension alimentaire. J'ai des dettes, un crédit, je suis dans une situation très compliquée et je ne peux pas m'occuper de Thomas comme il se doit, confie la mère. Emmanuel Macron souhaite renforcer les pouvoirs de la CAF. Fausse bonne idée, selon Stéphanie Lamy, la cofondatrice du collectif Abandon de famille Tolérance Zéro, propose, comme au Canada, la création d'une agence liée au trésor public. C'est une agence qui se charge de la perception et du versement des sommes. Si jamais un débiteur est récalcitrant, c'est le trésor public qui va mettre en place les mesures de recouvrement. Et pour les plus têtus, il pourrait même porter plainte au pénal pour abandon de famille ou organisation frauduleuse d'insolvabilité, affirme Stéphanie Lamy. Le collectif a lancé la pétition Stop aux miettes pour réclamer une vraie réforme. Alors, oui, le reportage... montre une mère de famille seule avec le fruit de ses entrailles, comme dit la prière chrétienne. Derrick, devrais-je dire cardinal, voilà. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce profil ? Alors oui, si vous les deux d'ailleurs. Hein. Les deux protagonistes, parce qu'il y a le rejeton et puis le la coupable. Enfin oui. Alors oui, c'est une Laetitia, je crois, hein, de mémoire. Ça se passe dans. Décris un peu là. Alors je commencerai par deux mots. Le premier sera Meyer, le deuxième Habib. Hein. C'est, vous visualisez la corpulence de la chose. Ça, c'est de cet ordre-là. C'est pas de cet ordre, c'est très exactement la même silhouette. Après, on a un teint oui, brun, oui. Gris-brun. Gris tabac. tabac qui a pourri, tu vois, qui a pris la moisissure, tu vois, qui est resté dans une cave avec de l'humidité, il y a eu du chaud, du froid, il y a des champignons qui sont venus dessus. Et ça donnait cette couleur-là. Hein. Cette couleur. Ouais. Mais donc, c'est pas le pire. Hein. Le pire, c'est le lait. C'est que tu as des. Alors, ça, c'est ce qui semble être un maquillage pour, ma foi, être quelque chose d'embellissant. Certains connaissent peut-être les rapetous. Hein, le raton laveur, hein, vous voyez, c'est-à-dire que c'est une espèce d'animal qui est blanc et puis qui autour des yeux a des taches noires. Donc là autour des yeux c'est ce machin c'est comme si elle s'était dessiné des figues autour des yeux, hein, des figues. C'est terrifiant. Alors bon, j'ai vu cette chose là, ça m'a marqué. Et après j'ai vu encore autre chose, c'est-à-dire que l'animal, la sale bête, s'est rasé les sourcils. Hein, elle s'est rasé les sourcils et elle s'est foutue des espèces de carrés, juste, tu vois, au-dessus de. Au marqueur. Oui, au marqueur ou tatoué. Hein, vraiment un carré, c'est-à-dire un machin de 1 centimètre, un carré de 1 centimètre. Ouais. Peint. Alors je sais pas, c'est destiné après à se foutre un trait pour se dessiner des faux sourcils. Mais où, excusez-moi, si ces choses-là sont normales, qu'il faut que je m'inscrive au progressisme parce que, ma foi, je ne vis pas avec mon temps. Excusez-moi, mais bon. Ah non, mais j'ai jamais vu ça. Bon, on dirait pas que ça fait boxer la gueule en fait. Oui, écoutez, oui. Deux coups, ce qui n'est pas totalement impossible. Hein. Moi, j'en viens à vouloir recycler tout ça par la saponification. Hein. Je suis désolé. Il y a un moment. Ouais, il y a des. Il y a des solutions. Non, mais tu t'en. Enfin bon. Alors bon, je dis souvent du mal des nègres. Nous, le disons souvent. Il se trouve quand même qu'il y a un nègre qui a pris sur lui. Courageux. Hein, ouais. Qui courageusement est allé bourriquer ce machin. Même, ouais. Je pense que même un trisomique, tu vois, qui est là, tu sais, les types, ils se tirent sur la nouille, ils savent pas pourquoi. Même un trisomique n'aurait pas fait. Le nègre, lui, chevalier, ouais. Il est quand même, tu vois, il est allé. Et alors ça donnait une espèce de créature, oui, une espèce oui, donc, de, bah une espèce, Ouais, c'est pas une espèce, c'est un singe, quoi. C'est-à-dire que le croisement entre le chimpanzé et l'orang-outan, hein, ma foi. Et donc là, bon, on est heureux de savoir que la puissance publique, hein, puisque la puissance paternelle n'existe plus, était hein, abolie, a été abolie par les juifs, il faut le rappeler. Oui, bah oui, oui, puissance paternelle que nous aimons appeler charia blanche pour emmerder tous les types qui se remettent des trucs, bon bref, hein, on ne sait pas où. Eh bien, oui, voilà, là, nous avons la puissance étatique qui est là pour faire proliférer les créatures. Oui, pour voir au manque, en fait, hein, c'est ça. Parce oui, que, la créature. Alors, non, parce que, non, mais il y a un truc qui est en train de se passer, parce que, bon, je dois dire que RMC a été assez honnête. Parce qu'ils auraient pu, parce qu'en pareil cas, généralement, c'est comme, vous savez, c'est comme quand ils annoncent que la population française a augmenté. Vous savez, quand ils font ça, ça me choque toujours parce que sur TF1, demande des blancs, tu sais. C'est étonnant. Je vois jamais autant de blonds à la télévision, enfin, en décrivant la population française, que quand ils annoncent que la population française a augmenté. Ça loupe jamais, quoi. Tu sais, ils montrent une courbe. Oui, nous sommes aujourd'hui 60 millions de Français. Tu sais, généralement, ils montrent une rue très, très. Avec beaucoup de gens, et peut-être tu regardes les têtes, et puis je suis arrivé, ouais, il y a bien un nègre dans l'eau, non? Et non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est toujours, je dis, bon, je pense que les juifs ne veulent pas trop inquiéter les gens. Et, mais là non, ils ont été assez honnêtes, ils ont montré que ce sont bel et bien les putains nègres qui se font. Qui commettent l'irréparable, donc avec des nègres. Qui participent de ce problème. Je pense que c'est un problème de masse. Alors, ceci étant dit, ce n'est pas que les putains nègres, loin s'en faut. Nous avons aussi les pondeuses africaines qui viennent juste d'arriver en France. Ne perdez pas du ça. Des Africaines qui ont 19 ans, 20 ans, 21 ans, et qui ont déjà 3 négrillons sur les bras, c'est tout sauf rare. C'est tout sauf rare. Et donc, si, évidemment, quand on présente ça aux populations françaises, on leur dit, bah, vous comprenez, regardez, cette pauvre femme a été abandonnée par un mauvais mari, il faut qu'il paye, on va mettre en place un système. Oui, mais en réalité, c'est pas ça le truc. Hein. Le vrai fond, en fait, parce que vous allez me dire, bah ouais, mais quand même, on va faire qu'est-ce qu'est les nègres. Non. Ils vont essayer de faire qu'est-ce qu'est quelques nègres pour atténuer un tout petit peu l'énorme gouffre que représente la natalité afro-maghrébine en France. C'est ça, en fait, le fond du dossier, quoi. Bon. Oui, enfin, quand le nègre sera... bien, enfin, juridiquement insolvable, hein, ce qui va arriver, parce que c'est assez facile en France d'organiser ton insolvabilité, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, on va mettre un fonds, et puis ce sera le brave blanc, hein, qui paiera. Et encore une fois, tout ça, c'est de la biologie, on l'a déjà dit plusieurs fois ici. Voilà, on est dans une compétition de génétique, hein, une compétition pour se reproduire. Et qu'est-ce qui va se passer? Des blancs qui sont en train d'essayer de monter un foyer, donc on est en train d'essayer de rechercher la bonne femme, celle avec qui ils vont faire des enfants, qui vont donc essayer de toucher un salaire décent pour prouver qu'ils sont de bons géniteurs et qu'ils vont être capables d'assurer la descendance du foyer. Bah, ils vont devoir raquer des impôts pour que cette espèce de panda dégueulasse qui doivent faire 35% de masse grasse, puissent torcher le cul de son espèce de mulâtre aux frais de la princesse, c'est-à-dire de l'homme blanc. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a toute la chaîne de l'impôt. Hein. Oui. Là, c'est vraiment la totalité. C'est-à-dire, bon, au départ, l'analyse sociologique, c'est la putain nègre qui fait sa putain nègre. Le nègre qui, bien sûr, ne reconnaît jamais son gamin. Donc, tu sais, le nègre, il lâche le gamin, tu vois, il veut bourriquer, lui, c'est tout ce qu'il veut. Et bien après, sûr. C'est fini. Ensuite, après, la pute, elle veut du pognon, elle va demander du pognon nègre, mais il en a pas, c'est un nègre, tu sais, il touche la CAF, les conneries, enfin, pff, que sais-je, mais il a pas de pognon plus que ça, à part celui qui pique au blanc. Officiellement, il est insolvable, et puis voilà. Donc après, il y a un fonds qui est créé, et puis on va se rendre compte que le fonds, bah, faut bien l'alimenter, et puis donc, du coup, il y aurait les impôts. Et là, ça y est, on a toute la chaîne, là. C'est fantastique. Voilà, ouais, c'est ouais, un projet, c'est... un beau projet. J'ai envie de dire même le projet juif. Il y a le paramètre racial qu'on vient de décrire à grands traits, puis il y a aussi le paramètre, j'allais dire, social et familial. Parce que c'est quoi le fond du discours aussi là ? En fait, c'est le féminisme qui se mord la queue. C'est le cas de le dire. C'est-à-dire que le féminisme, en fait, est sur une logique égalitariste. Ça me remémore cette manifestation il y a quelques mois à Strasbourg après l'assassinat d'une blanche par son nègre qui jouait dans un club de foot local qui venait d'un pays improbable d'Afrique. Et manifester contre les violences faites aux femmes, etc. Mais comme elles étaient dans une analyse du rapport homme-femme, alors que c'était la pure expression de la brutalité nègre, comme on la retrouve partout, tout le temps, sous toutes les latitudes. Donc ça m'avait fait beaucoup rire, c'est cette incapacité, comment dirais-je, à appréhender la réalité raciale. Bon. Mais ce qui est vrai pour le paramètre racial était aussi vrai pour le paramètre sexuel. Et en fait, le féminisme, là, se prend les pieds dans le tapis. Donc à deux titres, au titre racial et aussi au titre sexuel. Parce qu'en fait, ce que veulent ces femmes, alors je dis pas qu'il n'y a pas des sales types qui abandonnent leur famille pour aller coucher je ne sais où avec je ne sais qui, ça existe, c'est bien évident. Mais il y a aussi très souvent des femmes qui se comportent n'importe comment, bon je vais pas m'y attarder, mais qui veulent à tout prix le filet de sécurité. Et il y a un filet de sécurité fondamental, c'est-à-dire qu'on sait que dans 80% des cas, par exemple, lors des divorces, quand il y a encore des mariages enfin, ou des séparations qui sont supervisées par la magistrature, qui est composée, disons-le, à 80% de magistrateux, dans 80% des cas, la garde, donc l'éducation des enfants, ou plutôt l'absence d'éducation des enfants, ou très incomplète éducation des enfants, est donnée à la femme. Bon. Du coup, il n'y a plus de figure paternelle, il n'y a plus de figure d'autorité, il n'y a plus de figure limitative pour rappeler les interdits, etc. Donc, ce qui se passe là, c'est qu'avec ce nouveau type de population, avec des nègres qui font tout et n'importe quoi, etc., on ne peut plus culpabiliser, on ne peut pas les culpabiliser efficacement comme on peut quand même culpabiliser un travailleur blanc. Précisément pourquoi ? Parce qu'il a quand même une situation sociale. Je veux dire, même s'il abandonne sa femme, pour X raisons, l'homme blanc a une situation socio-professionnelle. Donc on peut quand même le retrouver, et en fait, en général, il honore ce qu'il doit. Je dis bien en général, je veux dire, bon, quand il a un travail, voilà, qu'il est inséré socialement, c'est souvent le cas, oui, il doit payer des assurances, il doit rembourser un crédit, il a une adresse, on sait où le trouver, bon, alors sauf cas aggravé, je veux dire, d'alcoolisme, ou comment dire, de désocialisation, ou vraiment du caractère... ingérable absolument. Bon, en général, quand même, l'homme blanc s'intéresse quand même à sa progéniture, même s'il sépare de la femme. Il a quand même envie que ses gosses aient à manger, il a quand même envie qu'ils aient un minimum d'éducation scolaire, etc. Or, là, c'est plus le cas. Donc, il n'y a plus le filet de sécurité. Et là, les deux paramètres se télescopent. C'est très intéressant, parce que, en fait, les femmes... Parce qu'en fait, le divorce, c'est-à-dire l'abolition de la puissance patriarcale, suppose d'avoir une puissance étatique pour prendre le relais. C'est-à-dire que de toute façon, le producteur à rien doit casquer. Donc c'est un réaménagement socialisé de, comment dirais-je, des rapports hommes-femmes. Bon, mais avec les nouvelles populations, ça ne marche plus. Et là, toute la structure commence à se fissurer, et ils ne savent plus comment faire. Ils ne savent plus comment faire. Il n'y a plus ce filet de sécurité magique où on peut aller attraper quelqu'un à la sortie de son travail pour lui demander des comptes. Ça avec ces nouvelles populations, ça ne marche pas. Donc, bah moi, je reviens à ce qui me concerne. Je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire la restauration de la puissance patriarcale, donc la désétatisation des rapports entre les sexes, et donc la restauration du mariage avec les obligations inhérentes au mariage. C'est-à-dire que voilà, l'homme, pour sa vie entière, sauf cas de tout à fait particulier, mais a pour sa vie entière la responsabilité de son foyer. Voilà. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et ce type de question ne se posera plus. Mais comme on a détruit légalement les familles, parce que c'est ce qu'ont voulu les juifs et c'est ce qu'ont voulu les féministes et les marxistes, eh bien, nous sommes dans cette situation-là et on se retrouve avec des rustines stupides pour réparer le désastre racial dont j'ai parlé. Voilà. Quelqu'un d'autre ? Personne ne veut rajouter quelque chose sur cette question Non, non, tout est dit, mais c'est la raison pour laquelle on a juste rien à foutre ensemble, c'est tout. C'est pour des raisons qui sont biologiques, des questions de psychologie évolutive, tout simplement, c'est tout. Nous sommes différents et nous n'avons rien à foutre sur le même territoire. C'est évident que dans un système qui n'est pas libéral, c'est nous qui nous ferons léser. Voilà, c'est les hommes blancs qui ont, comme on l'avait dit la dernière fois, une stratégie grand cas. Une stratégie qui prend soin de ses petits. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Puis en plus, par définition, je veux dire, une putain nègre qui commet des mulâtres avec un cafre doit assumer totalement ses conséquences. Et moi, je vous le dis tout de suite, c'est, comment dirais-je, celles qui le font, à la première opportunité politique, je ne sais pas si c'est dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, je l'ignore, mais à la première opportunité politique, tout ça, ça quitte l'Europe. Descendance comprise, descendance comprise. Ah oui. Hein. Et encore, ça c'est la meilleure option, hein. C'est l'option la plus humaniste. Bah, ils sont très heureuses avec c'est l'option. C'est l'option si on a assez de sous. Quoi. Bon, hein. Voilà. On utilisera la SNCF d'une meilleure manière. On va trouver des projets pour. Oui, des compétitions de natation qui peuvent se faire de 3 Gibraltar. Bon. Non, mais vous démantelez l'État-providence français, vous le démantelez complètement. Les Blancs s'en sortent. Ils travaillent, à la sueur de leur front, ils vont se créer un patrimoine, etc. Vous démantelez cette espèce de bunker qu'est le ministère des Finances. La pompe aspirante s'écroule sur elle-même. Je veux dire, que deviennent les nègres ? Que deviennent toutes ces queues de négresses en boubou qui s'agglutinent dans les bâtiments des caisses d'allocation familiale, etc. Je veux dire, vous comprenez ? Je veux dire, vous asséchez le vivier. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. La politique familiale, c'est très bien, dans un État racialement homogène et conscient de son homogénéité raciale. Dans un État aujourd'hui, dans un cloaque racial comme la France, il n'y a pas qu'elle d'ailleurs, la Belgique, je veux dire, et tous les États d'Europe occidentale qui sont livrés à ce type d'expérience, faire ça, c'est suicidaire. Vous alimentez l'invasion et le pullulement des parasites. Criminogènes en plus, les parasites. C'est même pas, vous voyez, c'est même pas comme dans les dessins animés de Disney des années 30. C'est même pas le nègre indolent, tellement indolent en fait qu'il est inoffensif, quoi. Vous voyez, c'est des cannibales, dealers de drogue, violeurs. Voilà, c'est la multiplication de ces cas-là que l'on finance, quoi. Bon, stop. On a quand même surtout mis le curseur sur le problème nègre. Mais la chose étant que la puissance publique envisage maintenant de saisir directement sur le salaire les revenus. Hein. Donc bon, parce que les nanas qui font des gosses avec des mecs et qui se barrent parce que ce sont des putes, qui peuvent se faire bourriquer ailleurs, qui bien sûr méritent le fric parce qu'elles vont avoir la garde, c'est une réalité aussi. Donc c'est problème au carré, quoi. Hein. C'est le problème. La CAF est une puissante incitation à la putisation des femmes. Oui, c'est ça. Moi, j'attends, si tu veux, j'attends le. C'est bon, il y a quand même des gamins qui sont faits hors mariage, mais dans le mariage étant une espèce d'usine à raquettes, hein, des hommes blancs. J'attends le fait que dès que tu as des gamins ou que tu vis plus de 3 mois en concubinage, tu aies des devoirs à filer des rois à une pute. Oui, voilà, c'est qu'après 3 mois de vie commune en concubinage, l'État te décrète marié, en fait. Alors, sans lettre. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, t'auras une espèce de pax. Oui, de facto, voilà. Donc, que les inconvénients, même pas d'avantages. Oui, non, mais ça arrivera d'ici 2 à 3 ans. Hein. pas après. Hein. Ça dépendra exclusivement de la situation budgétaire de la France, je crois qu'on peut le dire. Hein. Oui, bah c'est. Oui, bah, oui. Donc ça va arriver très vite. Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui. C'est, alors on entend de plus en plus de femmes, y compris dans les on va dire dans les classes populaires, dire que les hommes ne servent finalement plus à grand chose, puisqu'on peut tout à fait faire des bébés toutes seules, hein, une sorte de comment dire d'immaculée conception, mais là c'est plus la Sainte Vierge, hein, c'est salope débile, sadique. Et en fait, c'est pas que les hommes ne servent plus à rien, c'est que ils servent toujours à quelque chose, mais indirectement, c'est tout. Hein. Et sans les hommes qui bossent, moi je souhaite bon courage à toutes ces putains nègres pour élever leur négrillon. Hein. Il va falloir aller au turbin. Hein. Tout à fait. Non, mais c'est un problème majeur. Je n'entends pas beaucoup questionner ce système-là, alors que c'est fondamental. Aujourd'hui, les caisses d'allocation familiale sont, je veux dire, le cheval de Troie de l'islam. Je veux dire, celui qui l'a pas compris, il a rien compris, quoi. Voilà. Si en France, il y avait rien pour les immigrés clandestins ou les immigrés tout court. Enfin, je veux dire. Imaginez, hein, je veux dire, c'est pas les options que je défends, mais imaginons juste ça. Vous n'avez pas de système social pour les gens qui ne sont pas des nationaux déjà, mais même pour les nationaux. Imaginez, on démantèle totalement le système social. D'après vous, combien de nègres se précipiteraient en France? D'après vous, combien? À mon avis, il y en aurait beaucoup moins. Approximativement deux. Il y en a qui viendraient, mais ce serait tellement dur. Parce qu'il faut trouver le travail, etc. Ça serait tellement dur que de toute façon, je pense que les chiffres n'auraient rien à voir avec ce qu'on vit actuellement, à mon avis. Parce que là, aujourd'hui, prenez l'exemple de l'AME, on en a déjà parlé. L'ordre de grandeur ne serait pas le même, oui. Bah, bien sûr, mais l'aide médicale d'État, c'est complètement fou. On en est à 1 milliard. 1 milliard d'euros pour soigner ces gens-là. Enfin, ces gens. Oui, 1 milliard d'euros par an. C'est fou. Peu, hein. Non, mais oui, mais ouais, tu comptes pas la CMU des Lego. Hein. Voilà, c'est la ça. C'est-à-dire que bon, le problème, c'est que tu as des millions de nègres qui sont déjà là et qui ont des circuits extrêmement bien rodés pour ramener leurs négresses ou leurs nègres du bled. C'est-à-dire qu'ils en ramènent une, tu vois, qui a déjà trois gosses de son côté. Ils se marient avec, regroupement familial, pof, les trois arrivent et ça en chie encore trois ou quatre derrière. Donc le truc, c'est une pyramide de Ponzi, quoi. Donc ça... Oui. C'est du Noisy-le-Grand, du... comment s'appelle cette ville-là? Trappe, tu peux tout imaginer. Argenteuil. Bondy. Tout à fait. Ce sont des usines à ramener du nègre d'Afrique et en pondre. Là, la productivité française est à son firmament, hein. Ouais. Alors là d'ailleurs c'est marrant parce qu'on entend les urgentistes se plaindre parce que les conditions dans les hôpitaux sont effectivement apocalyptiques, mais je n'ai entendu personne dire que la principale plaie aux urgences c'était les nègres et les bougnoules, hein. Personne ne veut le dire. Alors que tu vas pas les entendre se plaindre puisque les hôpitaux sont des bunkers remplis de rouge. Moi j'ai des exemples comme ça, je pourrais en citer, hein. Comment dirais-je, où tu as des villes, hein, approximativement 10 000 habitants, ben, si tu veux, la municipalité est très souvent maintenue à gauche en raison du vote de l'hôpital, du personnel de l'hôpital. Voilà. Et là tu as du mélanchonisme, du CG, tout ce que vous pouvez imaginer, quoi. Alors ça ne veut pas dire que tous les personnels... de santé se retrouvent dans ce type d'agitation. Moi, ça m'est déjà arrivé dans le passé, je veux dire, il y a une dizaine d'années, en allant tracter contre l'immigration clandestine, dans une ville qui commençait à être touchée par ce problème-là. Je traverse avec des camarades la cour de l'hôpital. Faut le voir, hein, quand même. Hein. Je veux dire, vous traversez la cour de l'hôpital. vous posez un petit peu les, comment dirais-je, les tracts sur les pare-brises des véhicules stationnés. J'ai vu des infirmières sortir de leur bâtiment pour nous traiter de fascistes. Faut le voir quand même. Je veux dire, faut le voir. Hein, et les comment dirais-je, les tracts étaient tous sauf radicaux. C'est une réalité. Donc ces gens-là, si vous voulez, bon après il y a différents types de spécialités, hôpital public, clinique, urgentisme, c'est encore à part. Bon voilà, mais il y a quand même un fond idéologique très très fort. Ça peut peut-être changer en fonction des régions et des spécialités, mais c'est quand même très fort. Donc je doute que ces gens-là se mettent à enfin, je veux dire, ces médecins argentins se mettent à pointer du doigt en fait l'impact de l'immigration afro-maghrébine sur leurs conditions de travail et la saturation de leurs services. J'en doute très fortement. Et d'ailleurs, le ferait-il, je dois le dire, que Macron serait suffisamment cynique pour les disqualifier et ça mettrait un terme au débat. Donc, mais voilà, mais c'est lié, hein. C'est lié à ce qu'on disait, quoi. C'est gratuit, les gens y viennent. De toute façon, dès que tu marques gratuit quelque part, les nègres, ils arrivent. Hein. C'est automatique. Hein. Ils viennent pour rien. Hein. Il faut voir le... Bah, bien sûr. Parfois, ils viennent pour des trucs aussi. Hein. Des fois, ils viennent régler leur compte jusque dans les halls des urgences. Quoi. Tu vois, tu as un dealer qui pourchasse un mauvais payeur. Les types essayent de s'assassiner mutuellement au couteau devant les gens qui sont là en train d'attendre leur tour. Quoi. Oui, ça oui, arrive. Et puis t'as, sans compter les barbus qui viennent avec leur voilée, qui vont faire chier parce que un médecin homme va palper sa femme. Quoi. Ah oui, faut voir ce que c'est. Faut voir ce que c'est que les urgences. Enfin, ceci étant dit, enfin, les urgences, je sais pas, mais de plus en plus, le personnel hospitalier, de toute façon, est en voie de négrification avancée, en tout cas quand on parle des infirmières et des aides-soignantes. Hein. Enfin, c'est très avancé. Hein. Très avancé. Je dis pas que c'est partout, mais c'est quand même très avancé. Donc bon. Moi je sais pas, hein. Quand je vois un hôpital français, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Mais comme surtout je dis, la matérialité. C'est... Ça marche très. Tu parlais de productivité française au firmament. Alors là, les maternités, là, ça marche très très fort. Très très fort. Bah c'est staccanoviste, oui. Ah oui, là c'est staccanoviste, oui. Oui, oui. Et là aussi, c'est payé avec l'argent des Blancs. Voilà. Mais les médias sont satisfaits, ils en parlent très souvent, tous les ans. Le premier bébé de l'année, on en parle ici de temps en temps, hein, tous les nouvel an. Oui. Là, ouais. Ça loupe jamais, ça. J'en ai vu, eh ben, on en avait parlé, on en avait cité là, une négresse qui venait d'Éthiopie ou de je ne sais plus quelle. On aurait dit Predator. N'était-ce pas en Bretagne, non ? Si, je crois. Si, oui, je crois que c'est en Bretagne. Oh, alors. Oh, mais ouais. Le premier celte de l'année. Ah mon Dieu. C'est ça, effectivement. Ouais, effectivement. Oh mon Dieu. Bref, les amis, je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Tu redoutes tous ces noirs vomis les soutes, les vandales franchissent le Rhin, mais tout ira bien bas. Le blanc l'emportera. La plus pure de tes ressources tient tout au fond de tes bourses, alors ne perdons pas la course, fais des petits à rien. Tout s'embrasera, mais le blanc l'emportera. La paresse de la négraille, c'est les fêtes sans bataille qui nous confinent au faubourg du moins qu'humain. Le sang nous portera. pays en idiocratie. Et moi, le petit blondi, mon sang me portera, tout disparaîtra, mais le sang me portera. Morte, les vautours qui leur font escorte, Arcadie des clandestins, on en vira une centaine revient. On les déportera pendant que leur marée monte et qu'un peuple d'or d'enceinte clatant que sonne dans leur décompte en chantant. Nous revoici pour cette deuxième partie d'émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 23. Sans transition aucune, messieurs. Sans transition. Nous allons parler football féminin, si c'est possible. Si c'est possible. Je dois dire que... Nous allons parler cirque, donc. Hein. Je savais que ça existait, parce que même du temps de téléfoot, pour ceux qui sont assez vieux pour s'en rappeler... par politesse, par courtoisie, on parlait généralement uniquement de la sélection française, dite nationale, quoi, et voilà, c'était vraiment, enfin, je sais pas quoi, si ils étaient en demi-finale ou quelque chose comme ça, et c'était très rapide, voilà, et toujours un petit regard volontairement attendri, mais c'était pas sérieux, c'est-à-dire c'était plus. Oh, regardez, les filles essayent de taper dans un ballon. C'est pas mal, elles sont françaises quand même. Bon, à l'époque, je précise que, autant que je m'en souvienne, ça tranchait déjà avec la sélection masculine. C'était quand même essentiellement des blanches. Bon, oui. Bien entendu, ça ne pouvait pas durer. À l'époque, je me souviens, je crois que c'était dans les années, début des années 2000, je suivais le football. Hein, ce que je ne fais plus depuis au moins une dizaine d'années. Et je me souviens, on mettait souvent en avant une nana qui s'appelait Marinette Pichon, l'espèce de nom sorti de, hein, du début du XXe siècle, quoi. Hein. Une bretonne, alors. Oui, bon, une grosse broute minou, apparemment. Mais ah ouais. En tout cas, c'était une blanche avec un prénom et un nom typiquement blanc. Ouais. Bon, les choses ont bien évolué depuis lors. D'accord. Alors, du coup, bon, là, nous est tombé dessus collectivement, au plan médiatique, une promotion qui est évidemment totalement télécommandée par le pouvoir. Enfin, on sent qu'il y a un effort. Là, les gens l'ont vu, quoi. C'est-à-dire que il y a toujours eu des compétitions de football féminin, je présume. Personne n'en avait jamais rien eu à foutre jusqu'à présent. Et soudainement, on nous explique qu'il y a un engouement populaire. Et je crois que tout le monde comprend comment fonctionne à cette occasion le système médiatique en France, puisque c'est le pays qui nous concerne. C'est créé de toutes pièces. Hein, on crée des phénomènes d'opinion, mais de toutes pièces. Et les gens se raccrochent au wagon. Alors du coup, bon bah voilà, j'ai vu sur les réseaux sociaux les matchs promus, les affiches, les images de la sélection, les compositions d'équipe, des thématiques. J'ai vu que la presse se met à parler. J'ai vu ça récemment là avant-hier, un article dithyrambique sur la question dans le journal, je ne sais plus, La Croix, je crois, qui appelait de ses voeux l'étude historique du football féminin. Je veux dire, c'est complètement délirant. Donc voilà, donc c'est maintenant un phénomène de masse, nous dit-on. Je ne sais pas si les masses sont tellement intéressées, mais c'est la réalité qui est la nôtre. Donc voilà, maintenant que j'ai fait l'introduction, je vais vraiment solliciter tout de suite ceux qui veulent en parler, pour qu'ils nous en disent. Alors, pas nécessairement du football féminin en général, mais vraiment, voilà, de la promotion de la coupe actuelle, là. Avant qu'Astérix commence, excuse-moi, Astérix, je te coupe, je sais que tu as beaucoup à en dire, mais... Oui, t'as raison, parce qu'après, il y a un long tunnel, il y en a gros sur la patate, l'ami Astérix, donc... moi, j'ai noté, si tu veux, que le gouvernement français avait fait une communication officielle avec oui. L'espèce d'hippopotame du Sénégal, Sibeth Ndiaye. Musulmane, est... donc. Musulmane, nègre. Faut préciser. Oui, faut préciser. Oui. Avec une toison pleine de... Ah, tu sais, le pantalon tigre, là. Non, ce qu'elle a sur la c'est tête. C'est après ça. L'espèce de balai à chiottes. Du velcro. Plumeau, le velcro. Le velcro. C'est plein de parasites. C'est le plus gros velcro du monde. Hein. C'est le plus gros velcro du monde. Non, c'est un record. Sibeth Ndiaye est la source de enfin, elle apportera l'infection des puces de lit sur Paris, qui est déjà arrivé sur Marseille, hein, chers amis. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, précisons quand même que Sibeth Ndiaye est donc la porte-parole du gouvernement français, voilà. Qui, je crois, est une puissance tombée, nucléaire, me semble-t-il. Voilà, gouvernement français qui est donc tombé au niveau des nègres. Hein, c'est ça. Du fleuve Sénégal. Hein, voilà, c'est ça, voilà. Qui se jette dans l'Atlantique. Qui touche. Avec toutes ses ordures. Hein. Donc, on a cette Sibeth Ndiaye qui se filme en train, avec une espèce d'autre ministre qui s'appelle, je crois, Cédric O. Je sais pas ce que c'est. Oui, en train de supporter l'équipe féminine de football. Hein, c'est... Oui, c'est ça. Alors, il y a aussi les chaînes de télévision, la chaîne de droite TF1, la droite dure. Oula, oui, Bouygues. Droite dure, valeur actuelle, donc. Oui, l'ultra-droite, l'ultra-droite, donc, qui fait la promotion de la Coupe du Monde d'handisport, de football féminin, excusez-moi. Ouais, ouais. Comment ça, je comprends pas. Ah oui. Oui, bah oui, c'est vrai bon. que c'est pas si évident. Oui, bah oui. La distinction. Les lenteurs sont-elles valides, ne le sont-elles pas? Les paralympiques, en fait. Les paralympiques féminins. Ont-elles des yeux? Peuvent-elles sauter lorsqu'un centre a lieu? Ma foi, apparemment non. Bon. Donc, mais t'as pas l'air emballé, hein, visiblement. Non, non, non, mais j'ai fait. J'ai vu. Bon, j'ai pas. J'ai regardé aucun match, mais si tu veux, j'ai vu. Lors de. Bon, on a eu mal été rapidement au repas, des publicités. Attention, le mondial, les bleus, ah, oui. Machin. Bon, il y a tout un battage qui est fait pour nous vendre cette merde, quoi. C'est. Oui, tu sens le forcing médiatique, c'est ce que tu veux dire, quoi. Oui, bah, je sens le judaïsme politique. Alors, Astérix, asseyez-vous si vous n'êtes pas assis, parce que là, ça va tirer. Là. Bah, surtout que je le subis de plein fouet, parce que en bagnole, je l'ai déjà répété plusieurs fois, moi, j'écoute beaucoup la radio RMC, en particulier le Moscato Show qui me fait marrer. Alors, Moscato, on va dire que c'est le seul que j'invite à ne pas boycotter pour ceux qui écouteraient RMC. Moi, dorénavant, c'est le boycott total de cette radio. Cette radio a montré toute sa collaboration avec les fils de pute qui essayent de nous transformer en femme à barbe ou je ne sais quoi. Le football féminin, c'est un scandale à des milliers de titres. Alors déjà, c'est énormément de trafic hormonal, quoi. C'est-à-dire que c'est énormément de testostérone avalé par ces pétasses. Ensuite, c'est un niveau affligeant. Faut bien comprendre, là, tous ceux qui jouent au foot d'entre nous, entre 30 et 40 ans, on se remet en condition physique aujourd'hui, on a notre place dans l'équipe de France, les gens qu'aujourd'hui RMC est en train de nous vendre au même titre que des Ronaldo, des Messi. Ronaldo, c'est un mec qui fait 1000 abdos par jour. Ce sont des espèces de machines de guerre que la Grèce antique aurait admiré, quoi. Après, qu'il soit con comme des balais, il y a aucun doute là-dessus. Mais sportivement, il représente quelque chose, quoi. C'est la vraie performance, la véritable excellence. Là, on nous propose quelque chose qui ressemble à du vidéo gag. Pour les gens qui connaissent le foot, les goals, les gardiens féminins, par exemple, sont, mais parce que le gardien, en fait, le truc, c'est le dépassement de la peur. Le gardien, c'est des balles qui arrivent à 100 km/h sur sa gueule, c'est des 1 contre 1, des gens qui arrivent tête lancée, les crampons en avant, et ça n'est que du dépassement de la peur. Donc on peut imaginer ce qu'une femme, à part quand on lui a foutu 15 000 piqûres de testostérone dans le cul, on peut s'imaginer qu'elle sera absolument pas capable. Donc en fait, les 1 contre 1 se transforment en but, ou alors en gag parce que l'attaquante rate. Il y a eu des fois des trucs, je vous invite à regarder les auditeurs, les Julien Cazard, les best-of de Julien Cazard, par exemple, sur le football féminin, c'est à se pisser dessus, c'est du vidéo-gag, c'est incroyable, aucun de vous quoi, qui avait touché un ballon ne ferait des trucs comme ça. Et alors, il faut savoir qu'RMC, qui est une radio que je suis beaucoup, est en train, a fait le pari, en fait, de tout miser sur un sport qui n'avait aucune popularité. Et ce qui me dégoûte, et pourquoi vous allez, je vais en avoir pour un quart d'heure avec ce sujet, c'est qu'ils ont gagné. Ils ont gagné leur putain de pari. Les audiences ont été de 10 000 auditeurs. Et là, ce pays me dégoûte encore plus que je l'imaginais. Il n'y a qu'une seule excuse que je trouve à ce pays, et c'est toi qui l'as soulevé, Gandalf, c'est quand tu as dit que finalement, l'équipe était entièrement blanche. Je me dis que c'est peut-être le seul truc qui pourrait sauver les Français d'être tombés dans ce panneau grotesque, c'est le fait que finalement ils voient des blancs et que ça soit une raison suffisante, quoi. Et là, c'est vrai que dans ce cas-là, si ça s'avérait être ça, je leur pardonnerais. Jean-Michel Aulas, qui est le patron de l'Olympique Lyonnais, ce type, sûrement pour des raisons financières, parce qu'il a capté l'air du temps, il a capté que les femmes allaient être le truc sur lequel miser, et qu'il comprenait que dans le secteur masculin, il ne pouvait pas rivaliser avec les plus grands d'Europe. Il a orienté énormément son club sur le football féminin. L'Olympique Lyonnais des femmes a gagné 6 fois d'affilée la Coupe des Champions, qui est la Ligue des Champions, qui est la Coupe des meilleurs clubs européens, quoi. Donc l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, a coquiné avec cette pédale de Noël Le Graët, ce petit franc-max socialo, très bon ami de François Hollande, un abo binoclard qui doit violer des gamins, franchement. Ancien président de... Tout en voyant sa tronche. Ancien président de la Mavengingham, hein, Astérix, faut-il le préciser. Comment ? Ancien président de l'En Avant Guingamp, hein, n'est-ce pas ? Ah bah voilà, voilà, voilà. Ah oui, voilà. Grand négrificateur devant l'éternel. Hein. Devant l'éternel. Oui, devant. Voilà, voilà. Autant pour moi, oui. Il n'y a pas capitaine, mais c'est donc bien le président de l'En Avant Guingamp. C'est donc lui qui nous ramène des cajots entiers de négrillons. Enfin, de négrillons. Ça, c'est ce qu'il nous faudrait nous faire croire, que ce sont des petits négrillons de 14 ans. Le problème, ouais, c'est qu'ils ont, 30 et 34 qu'ils ont ans. Déjà des petits-enfants. Quoi. Alors, moi, j'ai une question à te poser. Donc, tu dis, OK, il y a une stratégie d'occupation de l'espace commercial, publicitaire, produits dérivés, etc., par Aulas, donc, qui est intéressé donc, sur l'éventuel développement du marché du football féminin. Alors, je fais simplement observer qu'aux États-Unis, bon, qui est un pays complètement différent, avec des sports spécifiques, le football... C'est un truc de gonzesse. C'est effectivement un sport de gonzesse. Ça ne veut pas dire que le foot est en lui-même un sport de gonzesse. C'est simplement que là-bas, voilà, les hommes font d'autres pratiques, d'autres sports. Donc, peut-être qu'il est intéressé par... Qu'est-ce qu'il se dit ? Après tout, bon, les mecs font du football... Mais on a peut-être un marché de même taille au plan démographique qui pourrait être, pour peu que ce soit un petit peu exploité de manière intelligente, qui pourrait être développé, quoi. C'est en tout cas la théorie que tu avances, Astérix, si j'ai bien compris. Et alors pourquoi Le Graët il se mettrait là-dedans ? Pourquoi ça le botte de mettre en avant ce football féminin ? Alors, parce que le football français est en pleine déliquescence, on a misé sur le marché africain, et en réalité, c'est un marché qui est, comment dire, du discount. Ça rapporte des ronds et tout, mais en fait, la France qui a eu l'habitude de s'inscrire toujours dans l'élitisme, autant dans la bouffe que dans les avions, enfin partout. Aujourd'hui, dans le football, on est l'antithèse de l'élitisme, on est la médiocrité incarnée. Mais on produit du bon médiocre, quoi. On produit du médiocre, comment dire, consistant, consistant, quoi. Voilà, du bon négro qui va bon courir ses 10 km par match, quoi. Comme, mais alors pourquoi le football féminin, je vois pas le rapport, bon, quel voilà, Le Graët mise sur quelque chose qui va mettre en valeur sa fédération, parce que Le Graët est quelqu'un qui est très très très critiqué, c'est quelqu'un qui a presque tout raté, c'était un grand grand soutien de Domenech, c'était un grand ami de Domenech, c'est lui qui l'a reconduit et tout ça, donc c'est quelqu'un qui est critiqué depuis des années, et il a besoin aujourd'hui de soutien politique. Et pour avoir des soutiens politiques, quoi de mieux que favoriser, évidemment, le football féminin en mettant le féminisme en axe central de la mise en avant du football féminin. Donc, c'est tout à fait bien calculé. Et puis, il y a aussi, je pense, des gens autour de lui, un lobby qui pousse, qui sont les socialistes, qui gravitent autour de lui. Et puis, son réseau Framac, qui veut l'homme nouveau et qui veulent toute cette merde, ou même sans parler de ça, sans parler de l'idéologie profonde que Le Graët ne connaît peut-être pas, et puis il n'en a peut-être rien à taper. Lui, ça doit être un franc-mac de réseau. D'accord, donc Le Graët a une stratégie de communication, et en fait a besoin de relais politiques, et finalement, en se faisant... Le relais, le vecteur de ce que recherche Macron lui-même et ses réseaux féministes LGBT, quoi, on va dire le réseau LGBT, quoi, au pouvoir, enfin solidement établi au pouvoir maintenant avec Macron. En fait, il veut se faire bien voir du pouvoir et montrer qu'il peut encore servir, quoi, qu'il a encore exactement une utilité. Il cherche des soutiens pour pouvoir rester en place, parce qu'en plus, d'accord, je pense qu'il a des casseroles qui risquent de faire surface très rapidement. C'est quelqu'un de très puissant. Beaucoup de gens, alors là, les gens qui connaissent pas le football ne doivent pas comprendre. C'est-à-dire que la FIFA, c'est un budget. Je crois que ça serait le budget le plus important si c'était un pays africain. C'est-à-dire, il n'y a aucun pays africain qui n'a le budget de la FIFA. Et même en Europe, ça serait, il ne serait pas dans les derniers, quoi. Donc la FIFA, c'est absolument énorme. C'est quelque chose qui pèse et qui est très très très puissant, surtout sur le plan idéologique. C'est, je vous dis, ils sont à la pointe de l'antiracisme. D'accord. Alors, pour en revenir au football féminin, donc tu as bien désigné deux protagonistes importants, là, Aulas, Legret. Ça, c'est pour les plusieurs raisons hein, de la promotion. Et il y a RMC qui te reste dans le nez. Alors, Voilà. pourquoi RMC s'est spécialement prêté à ça? Ils sont dans la poche de quelqu'un en particulier ou non, simplement ils suivent le mouvement en se disant, bah ouais, Bah, ils on va sont peut-être dans faire la de poche l'audience. de Veil, Veil et si je Drahi, ne mon me trompe poulet, hein. pas. C'est ça? Drahi aussi. Veil et Drahi, hein. Drahi, pardon, pardon, Drahi. Non, mais tu as les deux, tu as, c'est une copropriété, mais bon, ça appartient surtout à Drahi, mais Veil est encore là, hein. Donc, oui, C'est juif. c'est une entreprise, Juif, hein, juif. oui, enfin, D'accord. française, hein, Oui. français. L'audiovisuel français. Hein. Alors, je pense que BFM aujourd'hui fait partie des chaînes qui sont vraiment 100% idéologiques. C'est vraiment. Il y a des chaînes qui sont 30, 35, 30, 70, 50, 50. Eux, ils sont en fait. Donc, en fait, peu importe ce que les gens, ce que les sondages. Parce que le football féminin était supposé être un fiasco. Tout le monde, tous les spécialistes étaient unanimes. Et tous ceux qui connaissent le foot, moi, personne n'en a rien à foutre. Moi, je ne connais personne qui regarde les matchs de football féminin. C'est-à-dire, ils ont réussi à conquérir un tout nouveau public. Des gens qui ne s'intéressent pas au ballon, des gens qui ne connaissent peut-être même pas les règles. Les gens qui aiment le foot ne regardent pas le football féminin. C'est trop grotesque. Alors, il peut y avoir, bon, après, si vous voulez, je développerai, juste pour les sauver un peu, je pourrais dire ce qui est les deux, trois trucs qu'il y a d'intéressant dans le football féminin. Je peux le dire tout de suite. En gros, le football féminin allant plus lentement et étant moins physique, il y a moins de, comment dire, il y a moins d'arrêt de jeu, il y a moins de fautes. Donc, en fait, le jeu est plus continu. Alors, si on est là dans le but de se divertir, le football féminin peut être assez divertissant. Sauf que quand on connaît le foot et qu'on aime les gestes de qualité, le football féminin est ridicule. Il est ridicule. Il ne vaut pas le foot qu'on se fera comme pour fêter l'avènement du Quatrième Reich. Voilà, c'est un pari idéologique. C'est un pari idéologique, comme ils l'ont fait sur beaucoup de sujets. Hein. RMC, c'est quand même une chaîne qui est à la pointe quand même de la propagande, quoi. Et du coup, là, ils ont décidé. RMC, faut savoir que c'est en partenariat avec BFM. Hein. C'est la même chaîne. Enfin, Ouais. d'Éric Lavigne, ouais, c'est vrai. Donc, ils ont parié là-dessus. Ce qui me déçoit énormément, c'est qu'ils y ont embarqué avec eux tout un tas de commentateurs qui y vont à contre-cœur. Et alors, ça se sent. Moi, je vois Dimeco, je vois Moscato. Moscato ose encore quand même sortir des blagues là-dessus. Dimeco rigole aux blagues de Moscato, mais tous y vont à pas de velours. On sent Ouais, une j'ai vu épée de ça, ouais. Damoclès au-dessus de leur tête. C'est incroyable, quoi. Riolo, pareil, Riolo qui avait toujours dit que le football féminin c'était de la chiasse sans barre. Aujourd'hui, comme par hasard, il y a trouvé des trucs intéressants. Donc là, on sent vraiment. Allez-y, excusez-moi. Non, non, non, Il n'y a pas Paul Le Guen aussi donc, qui se fait profondément le non, chier Paul Le Guen l'a dit, c'était sur l'équipe, ça, c'était sur la chaîne de l'équipe. Et alors, non, parce que je corrobore ce qu'il dit, moi je suis pas évidemment RMC et comment dirais-je, la radio sportive, qu'on va dire quoi, c'est. Voilà, c'est pas mon truc, mais même si je connais évidemment les animateurs qui dont ils parlent, bien sûr, Asté, quoi. Par contre, sur l'équipe, il y a Paul Le Guen qui a tranché un peu. Il n'a pas été trop désobligeant. Il a dit oui, je trouve ça très bien. Pour comment dirais-je, c'est bon, voilà, il a été courtois. Il a dit bon, c'est bien d'avoir le football féminin, l'engouement. C'est méritoire, etc. Machin. Bon, et puis il a dit, par contre, je m'ennuie. Et j'ai le droit de le dire. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit, je m'ennuie, mais j'ai le droit de le dire. Et en fait, le simple Voilà. fait qu'ils disent, je m'ennuie et j'ai le droit de le dire, ça veut dire que apparemment, Je veux dire, ça veut dire que c'est pas aussi évident que ça. Donc ils sentent que en fait ils sont mis sous une pression extrêmement forte. Alors pour que des gens quand même, parce que bon, Paul Le Guen c'est quand même quelqu'un qui, bon, il a une carrière pour lui, il est établi. C'est pas un peintre, c'est-à-dire que je crois que c'est un type qui a été 5 ou 6 fois champion de France avec l'Olympique Lyonnais. Hein. Oui, bah, il a une carrière sportive, etc. Quoi. Donc c'est pour que quelqu'un d'établi comme ça se sente sous le scanner et dise. J'ai le droit de le dire, ça veut dire qu'il y a une pression qui s'applique pour que des types comme ça se sentent, comment dirais-je, quand même un petit peu acculés. À mon avis, enfin, comme on n'a pas idée de 90% de ce qui se dit en coulisses et de ce qui se fait, et de la façon dont ça fonctionne, à mon avis, ça bouscule un peu. Et il y avait, y avait les journalistes qui, alors pour le coup, ils sont payés pour. Bon, voilà, l'équipe dit on couvre, donc ils couvrent. Et donc, quand on couvre un truc, c'est pas pour envoyer ces journalistes dire « Putain, qu'est-ce qu'on se fait chier, c'est, s'il vous plaît, messieurs, dames, les téléspectateurs, quittez au plus vite, éteignez, c'est à chier. » Non, ils sont obligés d'essayer de faire croire que c'est intéressant. Donc, bon, Le Guen, il dit ça, et en fait, t'avais le présentateur qui était d'accord, parce que ça se voyait, parce qu'en fait, il avait pas envie de... On voyait, il avait pas de fougue pour confronter Le Guen ou lui dire « Mais comment, mais quoi ?» pourquoi vous dites ça, etc. Il était là, dans son regard, dans son attitude même corporelle, c'est-à-dire, oui, je sais, mais je suis... Il y a 4-5 ans, il y avait consensus sur tout ce que je dis, là, à savoir que le football de D1 féminin valait, en gros, la DH masculine. Et encore, parce qu'en fait, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'une femme, en fait, elle ne pourra pas toucher une seule balle sur corner face à des hommes, y compris des hommes de DH. Elle ne pourra pas, en fait... Je vous le dis, nous, là, on monte une petite équipe, on se met physiquement bien en forme, histoire de tenir 90 minutes, et en fait, on les bat. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a affaire à une énorme escroquerie. Aujourd'hui, les plus radicaux, c'est exactement ce que tu dis, Gandalf, c'est ceux qui disent, alors oui, moi, je suis très content, c'est un bel engouement, c'est magnifique, le football féminin, c'est bien que les femmes arrivent au niveau des hommes, machin. En revanche, je voudrais qu'on continue à pouvoir dire les défauts que le football féminin qu'on tient, parce que sans me faire traiter de misogyne et tout. Donc voilà, les plus radicaux disent ça. Les plus radicaux disent que le football féminin de D1 équivaut au football féminin de D2, ce qui est un mensonge incroyable et ce qui est une insulte énorme pour les mecs de D2. Mais moi, je suis un mec de D2 aujourd'hui, mais mon compte Instagram, mon compte Facebook sont fermés dans le quart d'heure. Je sors la sulfateuse, c'est pas possible de voir ces putes qui prétendent avoir mon niveau, quoi. Asté, tu sais ce que tu dis là, ça a été vérifié aussi dans les faits. T'as eu des équipes d'hommes et de femmes qui se sont rencontrées, t'as eu l'équipe nationale d'Australie qui a joué contre les moins de 15. Elles se sont pris 7-0, les nanas, l'équipe nationale d'Australie. Hein. Et t'as aussi l'équipe nationale des États-Unis, qui sont, je crois, qui sont dans le top 3. Je crois qu'elles sont premières, je suis pas sûr, dans le classement FIFA féminin. Et elles se sont pris, je sais plus, 15-0 contre des moins de 15 ans, quoi. Donc c'est des scores, sans appel. Mais des moins de 15, de quelle nationalité? C'est des clubs locaux, parce qu'en fait, c'était un match amical. Donc ok, il y avait pas d'enjeu, c'était juste un match d'exhibition comme ça. Mais voilà, 15-0, 7-0, enfin, c'est du rugby, quoi, c'est même plus du foot. Hein. Ouais, effectivement. Alors, j'ai une question pour Astérix. Est-ce que tu as, juste par curiosité, osé regarder France-Corée? Non, absolument pas. Non, non. Toi, c'est boycott. Ah ouais. Ouais, d'accord, boycott. Ouais. Non, je regarde les best-of. Ouais. Je regarde les bêtisiers et parfois je regarde les résumés quand. Pour m'amuser, enfin comme ça, je regarde les résumés qui durent 5 minutes pour voir les buts qu'elle marque, à quoi ça ressemble, quoi. Donc j'ai vraiment une idée de quoi ça ressemble, mais j'ai jamais regardé un match intégralement. Non. C'est un alors, est-ce que récemment, là, tout de suite, avec le début de cette compétition, est-ce que tu as discuté avec des copains qui sont amateurs de football, avec lesquels tu échanges, ou bien sur les sites internet, je veux dire... spécialisé en partie commentaire. Enfin, est-ce que t'as été respirer un petit peu les réactions des amateurs de football, pas des gens qui. Si on parle d'internet, la censure est maximale. Quand je vous dis qu'il y a une réelle pression qui est exercée pour que tout ça passe en force, franchement, je l'ai ressenti très rarement cette pression. Je l'ai ressenti pour l'Europe. Je l'ai ressenti. On en est à ce niveau-là. C'est-à-dire ce qu'ils sont en train de nous faire avec le football féminin, c'est du niveau, c'est de l'intox qui est au niveau de ce qu'ils nous ont fait avec l'Union européenne au début. C'est incroyable. Donc en fait, sur Internet, non, les gens critiquent pas tellement. Après, en privé, tous les gens qui jouent au foot sont soit scandalisés, soit ils comprennent pas, ils disent mais ils sont complètement débiles ou quoi, ils racontent n'importe quoi. Ouais, il y a les naïfs qui pensent que ils ne sont pas au courant, puis il y a ceux qui comprennent que c'est une propagande égalitariste, LGBTiste. Et alors les pauvres femmes, elles, parce qu'elles sont même pas toutes bourrées aux hormones, parce que le foot a ça de beau. C'est pour ça que c'est loin d'être le sport le plus dopé. C'est que le foot est un sport très, très, très technique quand même. Tout se passe sur des contrôles orientés qui n'ont absolument rien à voir avec la puissance et le dopage. Donc en fait, il y a encore quand même beaucoup de filles qui n'ont pas l'air trop bourrées de testostérone, ce qui les rend assez sympathiques. Et alors si un jour, miraculeusement, elles tombent sur cette émission... les filles tombaient pas dans ce panneau de merde, quoi. Restez humbles, parce que là, je vois le problème, c'est qu'elles commencent à réclamer de manière honteuse des primes à la hauteur des hommes, ou même à 50% oui. des hommes. C'est-à-dire qu'elles apportent pas autant de qualité, mais elles demandent autant de rétribution. Oui, alors ça sort pas de nulle part, si tu veux. C'est-à-dire que bon, il y a des reportages à la télé qui vont dans ce sens-là, et c'est-à-dire on te sort. Broute chatte, sociologue à la Sorbonne, mes couilles sur ton front. Alors oui, bah, à travail égal, salaire égal, je trouve ça normal que. Je te jure, c'est passé sur France 3 hier. Hein. France 3 ou France 2, je ne sais plus. Tu avais cette sale gueule de bouffeuse de Cyprine, quoi, qui venait te dire à travail égal, salaire égal, donc il est normal que les femmes aient les mêmes primes que les hommes. Il faut quand même juste brièvement, je voulais quand même dire ça. Je parlais tout à l'heure parce que c'était quand on parlait du courrier des lecteurs avec discrimination négative et la mise sur la touche de notre auditeur qui était content de se faire recaler, mais qui expliquait que voilà. Ici, on recrute des personnes issues de la diversité ou des femmes, qu'il y avait des tensions sociales de plus en plus fortes. Donc entre les travailleurs les plus pauvres ou la classe moyenne en voie de déclassement. Et surtout, on sait, enfin, je veux dire, là j'enfonce une porte ouverte, excusez-moi. Bon, mais je vais le faire quand même. C'est que le football est le sport du prolétaire français, enfin, je veux dire, et pas que français d'ailleurs, enfin, c'est vraiment le prolétaire, enfin, le sport favori du prolétaire européen. Voilà, c'est le sport qu'il regarde prioritairement, de manière préférentielle. Donc quand on attaque ce sport-là, on attaque bien évidemment la classe sociale qui en a fait le sport le plus populaire. Je pense qu'il y a une attaque contre plus que l'identité de cette classe-là, donc on va dire classe populaire, classe moyenne, de toute façon blanche, pas que blanche, hein, je veux dire, voilà, dans les banlieues, il y a des tas de gens qui plébiscitent le football, c'est pas le problème, mais je crois qu'il y a quand même l'idée de rabaisser toujours un petit peu plus cette partie centrale de la population, une partie stratégique de la population par rapport à son rôle qu'elle joue dans la production. Et que on veut lui signifier qu'elle est étroitement encadrée. Et ça passe aussi par le domaine sportif. Alors que le domaine sportif, qui traditionnellement en fait est un espace qui normalement on va dire est assez dégagé des polémiques politiques, puisqu'en fait le seul intérêt c'est que l'équipe A gagne contre l'équipe B ou inversement. C'est que de plus en plus, comme dans le milieu professionnel pur. En fait, la performance devient, alors pas périphérique, pas encore à ce stade-là dans le sport, mais là, c'est le cas. C'est-à-dire que en termes de performance sportive pure, comme l'a bien décrit Astérix, il n'y a pas photo. Enfin, ça ne tient même pas, ça ne peut même pas être comparé. Or, ils sont d'accord de mobiliser autant d'attention médiatique, de développer un marché, de mobiliser le gouvernement, On a parlé de Cybeth Ndiaye avec la communication, etc. Donc, il y a quand même un objectif. Et pour moi, c'est très clair, hein, c'est vraiment de casser l'image qu'a de lui-même le prolétariat blanc masculin. Vous allez me dire, c'était quand même déjà entamé, parce qu'avec un championnat français quand même très négrifié, c'était pas... Mais ça restait quand même des... Enfin, les nègres restent des hommes, biologiquement. Donc, bon, si vous voulez, vous pouvez encore... Oui, encore, puis qui ont des qualités au foot, parce que oui, foot, bien, là, c'est ça, il voilà. y a des postes où tu as pas besoin de ton cerveau. Voilà, je veux dire, c'est quand même des choses tangibles, quoi. Est-ce qu'il marque un but, est-ce qu'il court bien, est-ce qu'il tient tout, est-ce qu'il tient un match en entier, est-ce qu'il est techniquement au point, etc. Là, bah visiblement, on peut commencer à jouer là-dessus et dire, bah non, pas vraiment. C'est quand même important que ce soit des femmes, l'intégration, etc. Et moi, pour moi. Le propos de Schiappa, j'ai cité le Quai d'Orsay, ce qui se passe maintenant, je veux dire, c'est tout sauf une initiative de gens de bonne volonté qui veulent être gentils avec les femmes. D'ailleurs, je pense en fait que les femmes sont finalement assez peu... je veux dire, c'est pas une démarche sincère et honnête vis-à-vis des femmes, à mon avis. Bien au contraire, en fait, l'idée, c'est de retourner les femmes contre les hommes, quoi, hein, de les manipuler. Voilà. Donc... Bon, l'ingénierie sociale, à mon avis, là, elle joue vraiment, vraiment à fond. D'où le caractère, ce que j'ai bien aimé dans le propos que tu as dit, Astérix, quand tu as évoqué des réminiscences de martèlement médiatique similaire à ce qu'on a pu voir avec le référendum sur l'Union européenne. Le caractère unanime, artificiel de la communication. Sur cette compétition et de voir qu'il y a un tournant, c'est intéressant à observer, quoi. Et c'est politique. Bah oui, c'est politique, ça fait partie du projet de nous vendre les nanas qui font du sport, les nègres, astronautes, enfin ouais, c'est bon, c'est la narration la narration des prodiges tarés, quoi. Le truc, c'est que ça rend pratiquement, enfin, ça rend les paralympiques pratiquement regardables à côté, quoi. Bah oui. Parce qu'au moins les paralympiques, bon, c'est quelqu'un qui a perdu une jambe, etc. C'est disgracieux, parce qu'il faut être honnête, quoi. Mais ça reste encore du domaine de la performance. C'est-à-dire comment quelqu'un qui a perdu une jambe peut essayer de courir vite, par exemple. Bon, là, en fait, comme je dis, c'est ce qu'a dit Astérix, quoi. Là, la performance sportive en elle-même n'a plus aucune espèce d'importance. Ça n'a aucune importance, c'est pas grave. Si elle joue mal, c'est sans intérêt. Il faut qu'on m'explique l'intérêt d'avoir des centres dans un match de football féminin quand les femmes ne sautent pas. Il faut m'expliquer la chose. Tout est ridicule. Le foot est vraiment... Alors là, pour le coup, vous savez, il y a ce truc des rugbyman qui disent toujours que le foot est un sport de filles, et qu'on retrouve d'ailleurs aux États-Unis où le sport majeur est le football américain et le hockey, et le basket, qui sont des sports un peu rudes, enfin le basket un peu moins, mais où ils trouvent que... Enfin non, d'ailleurs le basket pas du tout, parce qu'il n'y a pas le droit de contact, mais ils trouvent que le foot est un sport de filles. Là vraiment le foot à 5, je veux bien le foot à 5, il n'y a pas le droit de contact, c'est du jeu de gymnase, c'est le foot à 11, non seulement c'est pas un sport de filles, mais c'est le sport qui fait le plus de blessés de tous les sports. C'est un sport incroyablement violent, quoi, que ce soit les têtes contre têtes sur les corners, que ce soit les tacles en pleine vitesse qui arrivent au niveau de la cheville, au niveau du genou, c'est des choses, c'est effrayant. Franchement, enfin, faut comprendre, c'est presque pire que de se prendre une droite, hein. C'est des gens qui arrivent lancés, qui arrivent à pleine vitesse et qui, des fois, ratent leur coup, vous mettent le coude en pleine mâchoire, quoi. Et pourtant, bah, il n'y a pas beaucoup de morts, ils s'en sortent bien. Il y a eu quelques morts, mais souvent, qui n'étaient pas à cause de choc. Enfin, pour en finir sur le football féminin, la France, une fois de plus, démontre qu'elle continue sa petite bataille, sa petite guéguerre avec la Suède pour montrer qui sera le plus autiste, qui sera le plus taré. Sauf que la France, là, vient en plus de performer. C'est-à-dire qu'elle vient d'amener le football féminin à un autre niveau médiatique. Et là, ça me fait flipper parce que moi, je me réjouissais que nos ennemis deviennent de plus en plus médiocres. Là, j'ai l'impression que sur le football féminin, ils sont redevenus performants. Ils ont réussi à nous vendre une merde innommable, irrespirable, une chiasse pas croyable. Ils ont réussi à en faire 10 millions de téléspectateurs pour le premier match de poule, un match qui n'est pas décisif, un match de poule. 10 millions de téléspectateurs. La France, les amis, moi j'ai pas envie de sans arrêt répéter ça. J'adore tellement ce pays que j'en ai marre de répéter ça, mais la France va morfler parce qu'elle le mérite, quoi. C'est une question d'équilibre cosmique. Pour qu'il y ait délivrance, il faudra qu'il y ait pénitence. Hein, y a pas de problème. C'est une belle formule. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose avant que j'embraye sur quand même France-Turquie? Il faut quand même. Alors, moi, j'ai quand même une question à poser à Sté. Enfin, j'y connais rien. Niveau, enfin, vraiment technique pur. Je parle pas du physique. Là, ça va. Voilà. Non, mais c'est ce que disent. C'est ce que disent tous les spécialistes. Non, là, je suis pas d'accord. Je connais rien, mais bon. Non, attention, ça va. Ouais, ça va à vitesse 0,4, quoi. Tu vois. Voilà. Attends, il y a l'histoire de vitesse. Il y a ceux qui ont vu le match. Moi, je me suis tapé le match France-Corée. Hein. C'était pas franchement très rigolo. Je connaissais déjà le football féminin avant. C'était déjà de la merde. Et là, j'ai eu la confirmation que c'était bien de la merde. Donc, effectivement, il y a un problème de vitesse. C'est très très lent. Comme l'a dit Esté, il y a un problème de contact. Les nanas, elles vont pas au contact. Donc du coup, vous savez, il n'y a pas de petits 1 contre 1, de petits dribbles, de petites individualités qui font le charme du foot. Donc ça, vous oubliez. Donc c'est de la merde. Vu qu'elles veulent éviter les contacts, encore une fois, du coup, le double effet qui se coule, c'est que en fait, elles essaient d'obtenir des avantages tactiques. Donc vous savez, petit à petit, par des jeux de passe. Donc on se fait chier. Ouais, c'est pas ça qu'on a envie de voir quand on veut voir du foot. Ceux qui connaissent un peu le milieu pro ou semi-pro du foot, vous savez que les mecs, déjà de base, on leur demande de connaître les gestes techniques de base, c'est-à-dire les passes, les centres, les tirs, les contrôles des deux pieds. Là, si vous avez vu France-Corée, les nanas, elles utilisent qu'un seul pied. Donc vous perdez déjà 50% de la qualité technique, rien que pour ça. Ça, c'est de base, hein, pour n'importe quel mec de CFA2, de son mauvais pied, il te fait quand même un centre et un tir correct, quoi. Là, les nanas, elles avaient même pas ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a tellement de trucs à dire sur le match que j'ai vu et sur les matchs du football féminin en général. Le fait qu'elle regarde la balle. Pareil, tu prends un type de CFA2, il va regarder le jeu. Alors quand il fait des dribbles, des fois il regarde la balle. Mais souvent le type il regarde le jeu pour faire la passe rapidement, etc. Là les nanas, vous, moi, quand on fait du foot, on regarde le ballon parce qu'en fait on n'est pas des pros. Bah elles non plus, quoi. Non, mais sur le plan technique, c'est vraiment un ch... Oui. Alors voilà, alors il y a beaucoup de choses. Elles ont en fait, elles paraissent sur le plan technique potables parce qu'elles font les choses beaucoup plus lentement. Donc en réalité, si vous voulez, quand vous courez de manière quand vous courez à 30% moins vite, forcément vous pourrez conduire votre balle avec plus de facilité, ce qui fait qu'elle semble parfois à peu près au niveau des hommes. Mais effectivement, Pierrot a tout à fait, toutes les remarques de Pierrot étaient justes. Et alors surtout, quelque chose qui est remarquable, c'est que jamais vous verrez une femme inventer quelque chose, parce que là, une fois de plus, on en vient... Aucune créativité, aucune. On en vient vraiment au cerveau de base, ce qu'est la femme, ce qu'est l'homme, la structure de base du cerveau de l'un et l'autre. L'homme est apte à la création et sans arrêt dans des recherches de nouveautés, la femme est dans la répétition, dans la reproduction, exactement comme elle l'est sur le plan de sa physiologie. Elle reproduit en portant en elle le futur, et nous, on émancipe le petit qui sort de son ventre en lui montrant tout un monde inconnu, tout un monde nouveau, et puis on découvre les continents, on fait n'importe quoi. Comme Bear Grylls, là, quand il voit un scorpion, il le mange. Vous verrez pas une femme manger un bout de scorpion, un scorpion comme ça. Vous voyez, l'homme veut du nouveau, tout ça. La femme répète les schémas préétablis, enfin, les schémas qu'elle a vus par le passé. Donc en réalité, vous ne verrez que des dribbles produits par les hommes. Donc vous aurez une pâle copie de ce que sont les hommes, avec une vitesse moindre, avec des commentateurs qui en ont plein la bouche, qui sont mais immondes de complaisance, quoi. Parce que, mais pareil, cette épée de Damoclès dont on parlait tout à l'heure, Gandalf, les commentateurs semblent l'avoir au-dessus de leur tête aussi. Donc les commentateurs n'osent pas la moindre critique dure. Une femme va faire, une bonne femme va faire une espèce de frappe qui ressemble à une passe au goal, qui est complètement qu'un gamin de 10 ans ne ferait pas. Et le commentateur va dire que une frappe un petit peu molle de l'attaquante. Ça, il ne fera que dans l'euphémisme, tout le temps, par peur de passer pour quelqu'un de trop critique. Donc en fait, c'est une farce. De A à Z, c'est irregardable, c'est insupportable. Toi, tu l'écoutais sur ou tu le regardais, je sais pas, sur RMC, des trucs comme ça. Moi, je regardais sur TF1. Ça t'est criant ce que tu viens de dire là. T'avais Bichente Lizarazu dans les commentaires qui était en train de s'extasier parce que t'avais Delphine Cascarino qui avait fait un contrôle pendant la course sur son bon pied. Il était en extase quoi. Mais franchement, c'est n'importe quel mec de CFA2, donc de 4ème division, il te fait le truc là, mais 1000 fois par jour. Ça rien de fou. Et là, t'avais les ralentis pour dire, ah, vous avez vu, elle a réussi un contrôle. Ah, super, la belle affaire. Vous m'avez envie de suivre cette compétition. Attends, ils sont en train de nous en foutre partout. Hein. C'est l'offensive. Ah, ça déborde là. Ouais. Et rugby, MMA. Non, mais ils en sont là, quoi. Boxe et tout. Oh putain, le rugby féminin. Ah, j'imagine la chose. Oh. Ah, moi, j'ai hâte de voir les gobelins sud-américains faire du MMA. J'ai hâte de voir ça. Couper les seins, tu sais, avec de la muscu et tout, les hanches, pas d'épaule. Ouais, ça doit être trop beau à voir. Ouais, bah, c'est ça, quoi. C'est. Voilà. des lézards. Voir des lézards. Ouais, voilà quoi. Demain, quand on va prendre notre café avec une secrétaire dégueulasse qui fait qu'un gros cul, elle va te prendre deux parce qu'elle pense avoir les performances sportives équivalentes au top. C'est ça. Ça participe aussi de ce truc-là. Hein. Ça m'étonne absolument pas. Mais je cuite des transgenres en fait. Hein. Deviennent les transgenres dans ce sport, parce que ça aussi c'est marrant, mais vu que en fait effectivement il ne faut pas confondre identité de genre et perception de genre. Tu as des travelots partout, tu as des travelots dans le MMA, dans le rugby, même dans l'haltérophilie, et forcément les mecs ils explosent tout vu qu'ils ont des taux de testostérone qui sautent, enfin qui sont au-delà des normes féminines, bah, ils sont 10 fois meilleurs. Donc quelqu'un qui était médiocre dans son sport peut se permettre en se faisant pousser les seins et en se faisant réduire les couilles, hein, il peut se permettre de devenir un super champion dans une catégorie féminine, ce qui est vraiment n'importe quoi. Je crois, cher MacDav, que c'est le bon moment pour aborder la question iranienne dans le football féminin. je sais pas s'ils sont à la Coupe du Monde cette année, mais nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais la charia, tout ça, machin, charia marron, les ayatollahs, machin. Le chiisme, l'islam rigoriste, si tu veux. Mais bon, si tu n'es pas né dans le bon corps, charrer c'est permis, tu peux changer, tu vois. Bon, il y a des petites passerelles, hein, comme peuvent établir les rabbins, hein, entre la réalité et le théorique. Et donc, dans l'islam chiite duodécimain, hein, le schisme duodécimain iranien, tu peux, en étant né un homme, te dire que tu es une femme. Hein, la théorie du genre existe déjà chez eux. Ah ouais, la théorie du genre islamique, en fait. Ouais, la théorie du genre avec les ayatollahs. Pourquoi pas, écoute. Et donc, il y a quelques années, alors je n'ai plus exactement la date en tête, mais l'équipe de football féminine d'Iran s'est avérée être composée de 8, je crois, hein, 8 hommes, hein, qui avaient peut-être un petit traitement hormonal, ils avaient vite... 4 sur 11, pardon. 4 sur 11, autant pour moi, 4 sur 11, c'est quand même pas mal. Ils avaient des espèces de pruneaux, hein, à la place de la poitrine, et voilà, c'est des femmes, pouf, c'est merveilleux, hein, merveilleux. Et ils se sont pas fait, ils se sont pas fait jeter. Ben écoute, je sais pas, j'ai plus connu ça. Peut-être qu'à l'époque ils se sont fait jeter. Je pense que maintenant ils seraient salués comme étant une avant-gardiste avant-gardiste et l'espoir d'un Iran nouveau peut-être. Oui, parce que bon, c'est quelque chose qui maintenant est extrêmement répandu dans l'athlétisme, que ce soit aux États-Unis, j'ai vu ça. Oui. En Australie aussi, c'est-à-dire que tu as des nègres en fait qui sont extrêmement mauvais. Au niveau de l'athlétisme, des classements pour hommes, hein. Donc j'avais vu un type, il était 300e au niveau national. L'année d'après, il était 400e. Alors pendant une année, il s'est arrêté, il est devenu femme, tu vois. Et puis l'année d'après, pof, champion des États-Unis. Champion. C'est une espèce de nègre, quoi. Avec vraiment un monstre. Ouais, j'ai vu, ouais. Voilà, c'est pareil, tu as les champions de lutte aussi, les champions de lutte. Oui. Putain, ouais. C'est un gag. C'est carrément un gag. C'est pareil, des types se font pousser les cheveux. Ouais, ils se font pousser les cheveux, ils se prennent les hormones pour avoir un petit peu de. De nichon. Ouais, c'est vraiment ignoble. Ignoble. Enfin bon, Action T4 hein, pour toute cette vermine. Quoi. Moi, là, on est en pleine République de Weimar. Oui. Voilà, ça devient vraiment. Ça devient vraiment oui, on en est en pleine dedans. Adolf Hitler vient. Voilà, si tu pouvais arriver très vite, ça serait sympa. Non, mais là. Bah, il manque. Si tu veux, il manque plus que les. Bah, non, mais là, il nous faut un Hitler. Il nous faut un Hitler. Plus, là, tu vois. Non, mais. Pour Hitler français. Oh, écoute, français, plus large mondial, que ça, là, il faut, oui, ah oui, mondial. Oui, la France, oui, la France, mon petit Pierrot, qu'est-ce qu'il va produire, ma vie, le Hitler, il va être un peu ouais, il viendra pas de là, hein. Il peut-être, peut-être des États-Unis, peut-être de l'Est, je sais pas, mais bon, en tout cas, France, c'est mal barré, quoi. Ou alors, s'il vient de notre France, il sera vite tué, bouffé, on le filera bouffer au nègre. Mais, oui. Non, mais excusez-moi, mais c'est ridicule tous ces trucs-là. Enfin, putain, les travelots qui maintenant sont des femmes et qui trustent les compétitions. Oui, non, c'est-à-dire que tout ça, tu l'aurais raconté sur la place publique, pas un public d'extrême droite, pas un public de droite, sur la place publique, tu aurais dit ça il y a 10 ans. On t'aurait dit, nous, regardez le délire. Il y a 10 ans, on en parlait, si tu veux, on se disait, tiens, rappelez-vous, dans les années 70, des soviétiques avaient fait ça. Oui. C'est-à-dire que tu avais des. Regardez comment l'Allemagne de l'Est avait un programme de dopage de ses athlètes. Voilà, c'est-à-dire que c'est en fait présenter des femmes qui en réalité étaient des hommes, c'est honteux, tu vois. Maintenant, c'est plus honteux, c'est la norme et c'est même à encourager. Et j'ai envie de te dire, c'est l'avant-garde de l'humanité. Hein. Ouais, est-ce que par hasard. Est-ce que le monde occidental ne serait pas tombé sous la coupe de juifs communistes entre-temps, par hasard? Oui, est-ce que les machins, les mêmes qui étaient à la tête de l'URSS. Voilà, il y a quelques dizaines d'années, ne serait pas tout puissant dans l'Occident moderne. Peut-être ont-ils des parents, des cousins en commun. Peut-être font-ils Shabbat, je ne sais pas. Il y a des choses à creuser là-dedans. Hein. Oh oui, à creuser beaucoup. Oui, des fosses communes. Déjà, tu vois, au niveau du sport, t'as certains concours qui demandent de passer des épreuves sportives. Et moi, j'ai un copain qui est instructeur sportif, hein, je ne dirais pas où, qui m'a dit que pour les femmes, en fait, alors les barèmes étaient déjà différents, hein, puisque on demande des performances un petit peu moins élevées pour les femmes. Mais que en fait, même d'un point de vue proportion, c'était encore plus facile pour les femmes. C'est-à-dire que le ratio, homme-femme qui réussissait l'épreuve physique était beaucoup plus important chez les femmes parce que c'était vraiment très très très très facile pour elles. Donc c'est de la discrimination positive, encore une fois. Bah, c'est comme les tests pour les femmes à l'armée ou chez les pompiers. Hein. Ah oui, voilà. Moi j'attends d'avoir des des bataillons 100% féminins. Chez les pompiers, on va bien rigoler. Hein. C'est ça. Tu vois, bon, le premier feu de forêt dans le Var, c'est pouf, allez hop, 50 saucisses. Hein. Alors, messieurs, France-Turquie, brièvement, est-ce qu'on peut aborder cette contre-performance? Qui a regardé? Si quelqu'un l'a regardé, quelqu'un a envie d'en dire quelque chose? Pff, ouais, j'ai pas regardé du tout. Je t'avoue, désolé, je m'implique pas. Ouais, le boycott, alors. Je précise, pour ceux qui ne savent pas, que la Marseillaise a été copieusement sifflée, l'équipe de France aussi a été copieusement sifflée. J'ai noté que Marine Le Pen s'est emportée contre cette insulte, dit-elle, de la même façon Nicolas Bay et encore, Stéphane Ravier. Ne touchez pas à nos nègres, quand même, la France. Oui, non, ouais, ils sont dans la... Enfin bon, c'est ce que tu veux. L'équipe de Turquie était plus claire, je veux quand même le dire. Oui. Non, mais... C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des constats qui s'imposent. L'équipe la plus européenne des deux n'est pas... C'est pas celle que l'on croit, ouais. Bon. Bah oui, non, mais enfin bon, l'équipe de France, enfin bon, c'est... Bon, j'ai regardé de. Allez, non, parce qu'on on a quand même chié Cordamian sur la sélection féminine, donc on en parle assez parce que bon. Oui. Non, mais enfin, j'ai regardé juste moi depuis ces 5 dernières années les 20 premières minutes de la finale de la dernière Coupe du Monde. Bon, ça m'a suffi. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de nègres, hein, beaucoup trop. Et bon, manifestement, ça n'a pas changé. D'accord, donc personne n'a suivi en particulier ce match. Je préfère regarder un petit documentaire sur le. Oui. C'est un documentaire animalier si tu vois l'équipe. Oui, non, mais voilà, je préfère voir les singes dans les arbres, moi, excuse-moi, que sur une terrain de foot. C'est quand même. Bon, c'est quand même plus normal, et puis c'est divertissant. Alors, messieurs, est-ce qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait dire, ou est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, soulever une question, ou pas particulièrement? Charia blanche, non? Maintenant? Ah oui, mais alors pas charia, oui, pour les blancs, ça va être plus compliqué quand même, hein, pour parce que la sélection féminine, elle est déjà marron. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est marron clair. Oui, mais c'est marron quand même. Ça ouais, tire sur le marron. Hein. Ouais. Ouais, messieurs. Donc, bon, ouais, bah, on se dit... Ouais. Le football masculin est en Afrique et le football féminin est LGBT. Je crois que le thème du sida, dont on a parlé au départ avec la SNCF, revient. Hein, il y a un leitmotiv, il y a un horizon français qui nous mène vers la parousie du VIH. Ah justement, j'attends un peu, moi, une vraie compétition, les Gay Games. J'aimerais voir ça, mais développé avec autant d'enthousiasme, vous voyez, quoi. C'est-à-dire que des gens qui ne participeraient pas à une compétition internationale et qui seraient sélectionnés uniquement sur le fait de mettre des choses dans leur anus. Oui. J'aimerais beaucoup voir. Parce qu'il y a déjà les Gay Games. On en a parlé, hein, c'était à Paris. Mais ça manque de couverture médiatique, je trouve. Donc là, on a peut-être un nouveau marché. Le football gay. Il y a moins de pratiquants, mais je veux dire, il y a peut-être autant de pratiquants que de femmes qui pratiquent le foot. Hein. Je sais mais pas. Tu te souviens pas de cette histoire-là récemment? Ils ont obligé les footballeurs pros à porter un brassard arc-en-ciel. Ah, des gens ont refusé d'ailleurs. Des capitaines ont refusé, je crois. Oui. Mais... Donc il y a encore des réflexes, vous voyez, patriarcaux. Bah, les nègres, en fait. Mais... Hein. Voilà, mais je pense qu'ils ont pas trop fait de bruit là-dessus parce qu'ils. Bon. Ouais, parce que c'est des nègres, justement. Ouais. Tout à fait. Puis dans les tribunes aussi, là, il y a la chasse aux supporters homophobes, là, vous avez vu ça aussi. Hein. Quand tu dis, comment dirais-je. Oh oui, c'est enculé, enculé. Enfin. Voilà, allez. Ouais, ou bande de tapettes, enfin, ce qui est courant, à mon avis, dans les... Non, mais ils ont dit qu'il va y avoir des référents, il y a des ils appellent ça maintenant des référents. Des référents dans les stades, donc des PD, quoi. Il y aura un PD désigné pour surveiller, quoi. Et dès que le mot « enculé »,« pédale » sera prononcé par des ultras un peu motivés, quoi... Oh, vidéo de... surveillance, pénalité, ouais. Interdiction de stade. Je sais pas si des auditeurs sont encore, suivent encore l'Olympique de Marseille. Enfin, moi, dans ma jeunesse, dès que le gardien adverse dégageait le ballon, qui avait 6 mètres, tu avais tous les deux virages qui faisaient oh, oh, oh, et puis quand le gardien tirait dans le ballon. Il s'enculait, hein, voilà. Oh, il s'enculait. Bah oui, bien sûr. Et puis, alors, l'arbitre enculé, normal. Oui, non, mais l'arbitre, ça c'est une chose, mais le oh, il s'enculait, tu vois, que quand le gardien dégage. Alors, est-ce qu'on va arrêter, donc, le virage nord, virage sud à Marseille doit faire, c'était 6000 personnes à l'époque, 12000. Est-ce qu'on va arrêter 12000 personnes? Est-ce qu'on va les foutre en tôle? J'attends de voir, ça peut être intéressant. Bah, faut voir la faune concernée, quoi. Bah, il y a quand même beaucoup d'Algériens. Bah, l'OM, ouais, l'OM, ouais, le ouais. Stade est quand même très très maghrébin. Hein, Bah, le drapeau français est interdit. Tu as du drapeau jamaïcain, algérien, sénégalais, mais le drapeau français est interdit, hein, au Vélodrome. Cette ville est une poubelle, on l'a déjà dit. Hein. Oh, bah, je trouve que pour une ville algérienne, elle est quand même au-dessus du lot. Hein. Et le Stade Vélodrome est un chiotte, voilà, disons-le tout. Oui, oui, d'ailleurs, il y a les traces qui attestent, comment dire. Mais ça va être très compliqué, cette histoire de mélanger les djihadistes avec les femmes et les PD. Je suis pas du tout certain que tout ça... Enfin bon, c'est un projet. C'est un projet VIH. Républicain, projet VIH. projet VIH. La bourque d'arc-en-ciel, moi, je l'attends avec impatience. Oh là là, bon, monsieur, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.